avant tout le monde. 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. Simon Fitzbay partagera ses trouvailles dans une carte musicale toute fraîche, carte postale. Véronique Mire listera ses mots préférés, commençant par la lettre S dans sa chronique de ZA. Et encore une nouvelle chronique, les instructions d'assemblage et ses trucs et astuces, tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour cette merveilleuse semaine du 1er juillet 2013, c'est bien ça? Oui. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. J'étais plus sûr, lundi, c'était quel jour, là? Le jour férié, là. Ben oui, un jour férié ou un autre. Nous, en direct, c'est le jour de l'indépendance Marmotte. Américaine. Non. Le jour d'Assemblage Requis. J'avais pas réalisé que c'était une devinette, mais oui. C'est le jour d'Assemblage Requis à la plage, comme tu l'as si bien dit. Donc, puis, comme c'est marqué sur votre calendrier. Ben oui, chaque calendrier maintenant au monde doit, c'est le gouvernement Harper. Oui, qui a décidé qu'il allait avoir ce jour-là chaque jeudi pour encourager la culture québécoise. Ça fait que ça va pas nécessairement rester ce jour-là, tout le temps. Non, c'est ça. Mais bon. Donc, bienvenue à cette émission qu'on adore faire toutes les semaines. Stéphanie Paradis va être avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Elle va arriver dans une heure environ. Oui. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Dans une heure environ, une heure et quart. Après ça, par contre, on va la perdre pour un bon bout. Ah. Un bon trois semaines. Donc, ça va être que toi et moi, il va falloir s'habituer. Hein. Mano a mano. Difficile. Oui, dit-il avec un accent italien dans la main. Oui. Il signe italien. Oui. Il fait une petite moustache quand il signe quelque part. Assemblo Ricardo. Ricardo. Ricardo. Avec les recettes qui vont avec. Oui. Donc, aujourd'hui, l'émission, on va avoir Justine Renaud qui va nous parler de Violent Femmes dans sa chronique. Justine procrastine, ça s'en vient dans environ 1h30. On a aussi Véronique Mire qui va nous renseigner dans sa chronique de Z à A. Ça va rendu la lettre S. S, évidemment, comme... Serpent! Oui, susurré. Symbole. Sphinx. Symbiose, oui, sphinx, c'est bon ça. Oui. Sphincter. Stupide. Oui. Sphincter. Oui. J'avais comme pas écouté le mot sphincter. Ben, écoute, c'est correct. Ben, je pensais, c'était juteux. Oui. Comme blague. Sinon... C'est superbe. Superbe. Simon Fitzbay qui va nous envoyer une autre carte postale musicale en direct de ses vacances. Dans le sud. Dans le sud. On a avec nous en studio notre ami David Ferron. Ça va, David? Prends celle-là. Ah oui, non. Ah, ben, je savais pas que le micro allait être allumé, mais je voulais deux choses, en fait. Je voulais vous dire salut et je voulais rassurer Justine Renaud. En fait, je voulais la rassurer que si je suis pas là aujourd'hui, c'est pas parce que je me touche dans le parc. Ah, voilà, c'est dit. Ils sont allés voir les trois accords, j'imagine, d'où le lien. Hein? Oui, j'étais là. T'étais là. Pauvre toi. Oui. Ouais, c'est bien de rectifier pour pas que Mme Renaud me lance des rumeurs sur moi. Et du genre à ça, elle, hein? Quelle taupe! Une vraie 19-2. Concernant mon sujet, mais non, ça n'a pas avec les trois accords, en effet. Voilà. Justine va peut-être pouvoir l'expliquer si vous avez le temps. Tantôt. Donc, David, si je comprends bien, ça veut dire que tu n'es encore pas avec nous pour une chronique Quelle langue dans ton oreille? Exactement. Mais quand est-ce qu'on va te revoir? Ben, quand vous allez vouloir. Est-ce qu'on a déjà dit qu'on voulait pas? Parce qu'à date, on n'a rien dit. On se reverra un de ces six au lieu d'un de ces quatre, mais c'est parce que ça commence par un S. Ah! C'est si bien dit. Oui! Oui! Oui, oui. Oui, oui. Donc, vous savez, tout l'été, on combine Assemblage Requis et les palmarès C'est fou. Et ce qu'on a des palmarès C'est fou, c'est la musique. Ben oui, ça prend ça. Hein? Donc, on en joue. Et de semaine en semaine, on fait francophone-anglophone, francophone-anglophone. On bascule comme ça, comme au parc de David. On revient pas là-dessus. On non. Revient pas sur... Donc, on est rendu du côté anglophone et on a que deux nouvelles entrées. Du côté de la 19e place, plus tard, ce sera Monster Truck et Sweet Mountain River. Mais pour tout de suite, on va aller écouter We Are Wolves avec une nouvelle entrée qui s'appelle Sun. Ah, We Are Wolves qui sont d'ailleurs ce soir, si vous nous écoutez en direct. Yeah! Jeudi soir! Jeudi soir! À minuit, genre... 11h minuit. Au Nord-Ouest. Dans le cadre du festival. I've been learning, you've been teaching, don't know why. All the world. numéro 19. Nouvelle entrée. Truck et Sweet Mountain River, nouvelle entrée en 19e place anglophone. Et en 20e place, on a écouté We Are Wolves avec Sun. Seulement deux nouvelles entrées du côté anglo, on en avait trois du côté franco. Et la semaine passée, on a déjà fait notre hommage, donc on le répétera pas, là, mais aux deux semaines, on dit au revoir à nos pièces. Mm-hmm. Bye! Bye, pièces! Bye! Et bonjour! Nouvelle. Bonjour, nouvelle. Et liste à cocher de choses intéressantes. Mm-hmm. Comme des boutons en neuf. On aime ça jouer des boutons. D'en face. D'en face. Sur le. Dans les avec le petit doigt sur le. Sur le bout du. Oh, c'est sexuel, ça. Voici son foutu palmarès. Yeah. encore plus chaud qu'on avait déjà, Thomas, c'est long. Non, c'est ça, Foutu Palmarès, la chronique où on se compose une petite liste de choses diverses. On va y aller en deux parties aujourd'hui, parce que cette semaine, ou en tout cas récemment, c'était les deux fêtes là, canadiennes et américaines. On sait la fête du Canada le 1er juillet. Je te prends rien. Non, jusqu'à maintenant, ça va. Okay. Est-ce que tu savais que le 4 juillet, c'est la fête des Américains? Pour le Québec, il n'y a rien, parce qu'au Québec, on n'écrit rien. On fait juste copier le contenu des autres et on le traduit. Donc, il n'y a pas de top pour le Québec. Il y a peut-être la Saint-Jean. Peut-être, hein? Le top des tounes à Saint-Jean. OK, on y va. On écoute les extraits. OK. Joe Beaucan. Pépé. Pépé. Ah ouais, Pépé, c'est bon, ouais. C'est tout. C'est ça. Fin. C'est tout ce qu'il peut. Donc, commençons avec ce qui est le plus proche de nous. C'est le top des choses qu'on savait pas que ça a été inventé au Canada. Au Canada. Au Canada. Donc, les gentils gens du Canada qui sont responsables pour plein d'inventions qu'on utilise tous les jours. Commençons par le beurre d'arachide. Aussi connu sur le nom familier de Bird Peanut. Bird Peanut, au Québec surtout. Là. Donc, le beurre de peanut, ça a été inventé par un pharmacien montréalais, Marcellus Gilmore Edson, qui, lui, cherchait à inventer un produit qui ressemblait à un onguent. Il a breveté ça en 1884. C'était une option pour les gens qui ne pouvaient pas mâcher, les gens qui n'avaient pas de dents, donc qui mangeaient du... pas s'il mangeait de la moulée ou du rio ou quoi. Mais donc, il cherchait une substance genre comme un onguent qui allait pouvoir être tartiné dans la bouche et être mangé. Donc, et pouvoir, oui, faire ça pendant des heures. Oui. Ben, je pense que c'est ce qui a fait parler la scie dans la série télé, je pense. Oui, je pense que tous les animaux... Les chevaux, entre autres. Ouais. C'est délicieux pour eux. Je pense qu'ils n'étaient pas allergiques aux peanuts. Heureusement. C'est pas aujourd'hui qu'ils pourraient faire ça. Et je pense qu'il faut éclairer un rayon de quelques kilomètres autour des gens qui sont allergiques aux arachides. Ensuite, la Wonder Bra. Une autre invention canadienne, la populaire brassière à remonte-pente, comme je l'appelle. Donc, c'est une compagnie montréalaise, encore une fois, la Canadian Lady Corset Company, qui a breveté, en fait, qui a pris la marque de commerce Wonder Trait d'Union Bra en 1939. Et ensuite, ils ont renommé la compagnie Wonder Bra Pas de Trait d'Union en 1961. La fameuse brassière de fausseté. Fausseté. Oui, exactement. Faustits. Faustits. Et je note Faustits. Tits. Ensuite, Trivial Pursuit est une invention canadienne des arpents de piège, qu'on appelle. Inventé en 79 par Scott Abbott. Je ne sais pas si c'est le même que dans Abbott et Costello. Un journaliste, ou en tout cas, je crois qu'il était comme rédacteur ou chef de pupitre des sports dans à Montréal. Donc on l'appelle Montreal Sports Editor. Donc c'est sûrement les quilles, hein? Scott Abbott! Abbott! C'est un Abbott! C'est drôle. Et Chris Haney, un gars de photographie. Et donc, quand ils n'arrivaient pas à trouver leur tuile de Scrabble, ils ont inventé le mot, le jeu Trivial Pursuit. Ensuite, l'odomètre. En 1854, l'inventeur de la Nouvelle-Écosse, Samuel McKean, a créé un appareil pour mesurer la distance à chaque révolution d'une roue dans un... comment on appelle ça? Le carriage, le... avec les chevaux. Carrosse. Mais l'affaire avec les chevaux. OK. En tout cas. Carriole. Carriole, voilà. Carriole. C'est difficile. Donc, c'est ça. Mais il y a d'autres gens qui ont travaillé là-dessus aussi. Vitruvius et Ben Franklin ont travaillé sur cette invention de l'odomètre. Ensuite, ce qu'on appelle le Rotary Snowplow. Une machine pour se débarrasser de la neige. C'est un dentiste de Toronto, Dr. J.W. Elliott, qui a conçu cette idée-là pour vider les rails de chemin de fer de leur neige. Donc, la snowmobile et la souffleuse à neige sont nées au Canada. Et par contre, la Zamboni n'est pas canadienne, malheureusement, même si, surtout dans le hockey, c'est utilisé. Oui. C'est inventé en Californie. Moi, je regarde l'image de la fameuse... charrue là, de neige. Comment tu l'appellerais? La souffleuse. Ouais, ben c'est une méga huge souffleuse à neige. Tu sais, souvent, les inventions, c'est des erreurs. Puis tu sais, lui, il était dentiste. J'espère que c'est comme pas une erreur. Genre comme, oui, je vais vous arracher votre dent. Vous allez voir, j'ai une nouvelle technique. Puis là, tu sais, il l'accrochait sur une palette. Ça va se faire en un coup de vent. Oui. Ensuite, le carton d'œuf. Intéressant, ça, c'est un éditeur ou un rédacteur en chef d'un journal, Joseph Coyle. Beaucoup de rédacteurs de quelque chose dans ce top-là. Donc, de Smithers en Colombie-Britannique qui a trouvé une excellente façon de réutiliser son carton. Donc, en 1911, il a inventé le carton à œufs. Ensuite, IMAX, c'est canadien. C'est Graham Ferguson, Roman Kreuter et Robert Kerr, ainsi que l'ingénieur Robert C. Shaw. Les trois premiers étaient des gens qui faisaient des films. Donc, ils ont fondé IMAX en 1967. Kreuter a produit le premier film IMAX en 1970. Et plus tard, George Lucas, le créateur de Star Wars, a dit que c'était eux qui avaient continué à faire Star Wars. Je pense que c'est à peu près ce que ça veut dire. Ouais. Ouais, c'est l'idée derrière la force. Bref. Ensuite, les pommes McIntosh est une invention canadienne. OK. En 1811, le fermier John McIntosh a commencé à coupler de différentes sortes de pommes. Ça a créé la pomme McIntosh en 1835. Il a mélangé un wild apple tree, une pomme sauvage, dans sa ferme de South Dundas. C'est lui qui a commencé à créer cette sorte de pomme-là. Ensuite, toujours dans le palmarès des inventions canadiennes qu'on ne sait pas qui sont canadiennes, c'est le walkie-talkie. Don Hings a inventé ce qu'il appelait le Pac-7 en 1937, lorsque le Canada a déclaré la guerre contre l'Allemagne 2 ans plus tard et est allé à Ottawa pour redévelopper son appareil pour une utilisation militaire. Donc, au départ, c'était pas supposé être militaire. Ensuite, l'insuline. Des scientifiques de Toronto, Frederick Banting et Charles Best, avec James Collip, ils n'ont pas inventé l'insuline avant 1922. C'est pas qu'ils l'ont inventé, c'est que l'hormone est naturellement produite par le pancréas. Donc, ils l'ont découverte. Ils ont appris à l'utiliser pour traiter le diabète à la base. Donc, c'est pas une invention, c'est plus une découverte. Voilà. La reprise instantanée, c'est canadien aussi. Le producteur à la télé de CBC, donc ici, Radio-Canada. George Retzlaff a utilisé un kinescope quand il a créé la première reprise instantanée en 1955. Et c'était pendant une diffusion, évidemment, on s'y attendait, de la soirée du hockey. Uh-huh. Hockey Night in Canada. Ensuite, ce qu'on appelle... Ah, j'avais cherché le mot en plus. Le foghorn, c'est la corne de brume. La corne. Ça m'est resté, finalement. Donc, Robert Foulis a inventé la corne de brume qui fonctionne à vapeur en 1854, mais il est mort pauvre parce qu'il ne l'a pas breveté. Ah, oh, non! Faites attention, brevetez vos inventions, les amis. Vous passez dans la gueule du lion fou. Oui, du lionceau. Ensuite, l'encre sur l'argent. Hein? Donc, en 1862, Thomas Sterry Hunt a inventé l'encre qui fait que les billets de banque américains sont verts. L'étiquette pour les bagages, maintenant, aussi est inventée au Canada. C'est John Michael Lyons, du Nouveau-Brunswick, qui a changé le monde du voyage quand il a inventé la première étiquette de bagages en 1882. Un document révolutionnaire qui contenait l'information sur le point de départ du bagage, sa destination et son propriétaire. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça? Je sais pas. Ensuite, le rouleau à peinture. C'est le Canadien Norman Breaky Hart, qui l'a inventé en 1940. Mais c'est un inventeur américain, Richard C. Adams, qui a changé, modifié son design et qui a demandé un brevet en premier. Donc, le crédit va à lui, même si, en théorie, c'était à l'autre, en pratique. L'heure standard, c'est canadien. L'ingénieur Sanford Fleming a amené l'heure standard aux États-Unis et au Canada sur les rails de chemin de fer en 1883. Donc, les zones horaires sont devenues une loi américaine en 1918 et ont été acceptées partout dans le monde en 1929. Vraiment le fun. L'autobus accessible par les handicapés, c'est canadien. Eh bien, ça n'arrête plus. C'est Walter Harris Callow, un homme aveugle et quadraplégique et un vétéran de la guerre. Il reste pas grand-chose. Qui a inventé le premier autobus accessible par chaise roulante en 1947. Et ça dit qu'il a pris sa première balade et sa dernière aussi. Sa première dans l'autobus et la dernière après sa mort quand son corps a été transporté pour sa funéraille. Ses funérailles, je pense qu'on dit. Oui. La chaise roulante électrique, si on reste dans le domaine des handicapés. En 1952, l'ingénieur George Klein a rendu le monde plus accessible avec une chaise roulante motorisée. Et finalement, pour terminer, les sacs à poubelle. On a parlé tantôt d'attache pour les bagages. Et là, on parle d'attache poubelle, finalement, aussi. Oui. Ça va avec. Et non d'une tâche d'un poubelle. Non. Donc, c'est avec du polyéthylène à l'épreuve de l'eau et qui s'étire bien. Donc, que Harry Wasilik du Manitoba et Larry Hansen de l'Ontario ont inventé leur premier sac de poubelle pour utilisation commerciale en 1950. Union Carbide Company a acheté l'idée et a amené ces sacs dans nos maisons. Glad, évidemment, les sacs Glad. Les fameux. Ça vient de là, Union Carbide Company. Et voilà pour les 19 inventions que vous saviez peut-être pas que c'était canadien. Tout ce bien beau, le basketball, des affaires de même. Tout le monde le sait, là. Est-ce qu'on peut savoir quoi de nouveau? Voilà. Ben, j'espère qu'il y en a au moins quelques-unes dans les 19 ans. Ben, moi, je savais pas. Les 19, je savais aucune. Pas. Aucune. Non plus. Aucune. 19 nouveautés dans ma vie, là. C'est bon à savoir. Ben, tiens, tant mieux. Et on va en avoir d'autres, des nouveautés peut-être, tout à l'heure dans la deuxième partie de notre chronique Son foutu palmarès. Ce sera le palmarès des inventions américaines les plus badass et qui ont changé l'histoire. Badass! C'est très cool comme titre de chronique. Tellement. On devrait le noter. On devrait, oui. Badass. Badass. En passant, juste pour citer mes sources, pour pas avoir l'air si intelligent que ça, Mental Floss était la source pour le premier de notre palmarès. Donc le deuxième tantôt, pour l'instant, on saute par-dessus trois pièces qui sont là depuis 7 et 8 semaines. Donc on saute en 18e place de Damn Truth et Too Late qui descend de 6. On saute par-dessus aussi de Minotaurs avec New Believers et, en 16e. Ouais. Et Grandland avec The Things I've Done qui descend de la 5e pour aller donc à la position numéro 15 qui est là depuis seulement 3 semaines. Oui, c'est All to Destroy Angels and Keep It Together. Ben, avec un gun. Restons ensemble. Restons ensemble. Pour l'émission. Pack de suicide. Ouais. Ensemble. Avec du ketchup. Pis tout. Pis de la salive. Salive et ketchup. Ça fait-tu comme une vinaigrette avec la mayonnaise? Oui, faut pas qu'elle tourne, par exemple. Non, faut bien que tu brasses. Oui. Tu fais des bulles. Oui. Tu pas une paille, tu souffles dedans. Je sais plus où on s'en va. Moi non plus. Hey, cet assemblage requis à la place. Oui. Assez fou? Non. Oui. OK. I feel the skin burn radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Toujours à Sondage Requis à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. On a du fun, il fait chaud en tabernouche, par exemple. Mais oui, puis là, je viens de réussir à me décoincer, parce que tu m'as enterré, coquin, pendant que je dormais. T'aimes ça avoir du sang partout, j'ai le don. Ouais. Ça fait que tu folies toutes les petites peaux. Donc, tantôt, on était dans la chronique Son foutu palmarès. Je vous épargne de jouer une deuxième fois l'intro de 40 secondes. Oh. On fait juste retourner dans la chronique. OK, faisons ça. Voilà. Hein? Wow. Hein? Deuxième partie de Son foutu palmarès, la chronique liste, ici à Sondage Requis, à la plage. Et là, c'est le top des inventions badass américaines qui ont changé l'histoire. Puis badass écrit genre en majuscule. Hein? Oh oui, oh oui. Toutes les lettres sont là deux fois. Donc, c'est en honneur du jour de l'indépendance, évidemment. C'est le 237e anniversaire des États-Unis cette semaine. En fait, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, le jeudi 4 juillet, alléluia. Donc, on a fait un long bout de chemin aux États-Unis depuis 1776. Et la première invention badass, c'est le transistor. Mm-hmm. En 1947, le premier transistor a été créé au laboratoire de chez Bell Labs. C'était à peu près de la grosseur d'un iPod classique qu'on connaît aujourd'hui. Les transistors étaient une façon plus efficace, compacte et stable par rapport à l'ancien tube, vacuum tube, qui était vraiment pas fiable avant. Donc, sans l'invention du transistor, chaque appareil électronique ou équipement qu'on a de nos jours serait impossible à créer. Donc, c'est inclus dans chaque appareil électronique, le transistor. Ensuite, Voyager 1. La première. Pendant presque 36 ans, le Voyager 1 était la navette qui était allée le plus... en fait, c'est elle qui voyage le plus. Elle prend des photos et transmet des données à la NASA. Souris! Vous êtes fini. Donc, elle est approximativement à 11,5 milliards de milles de la Terre. Et elle va passer les limites de notre système solaire d'ici la fin de la décennie. D'autres inventions de 1977 qui n'ont pas fonctionné aussi longtemps que le Voyager, c'est l'Atari 2600, la console de jeux vidéo, et le Commodore PET. PET. Ensuite, la fusée Saturn V. Hein? Donc, aussi haute qu'un bâtiment de 36 étages, 60 pieds de plus que la Statue de la Liberté, et qui génère 7,6 millions de livres de puissance lors de son lancement. La fusée Saturn V reste littéralement la chose la plus lourde qui a jamais volé dans les airs. Intéressant. Ça a été créé sous le leadership de deux scientifiques allemands. Donc, la Saturn V qui a été lancée en 1967 et a aidé à chaque mission Apollo de la NASA jusqu'à la Lune. Ensuite, ce qu'on appelle le Cyclotron Atom Smasher, un éclateur d'atomes... nommé Cyclotron. Donc, ça pèse environ 220 tonnes et puis ça écrase des atomes depuis 1932. Ça a été utilisé comme pour créer des beams d'énergie, beams de haute énergie. Bref, je sais pas trop ce que ça veut dire, c'est des affaires scientifiques et c'est bien au-delà de ma compréhension. Donc, le Cyclotron est un type d'accélérateur de particules. Particle Accelerator, ce dont on parle, l'affaire qui ont essayé de reconstituer le trou noir. Le trou noir. C'est un accélérateur de particules, ça, on se comprend là-dessus. Donc voilà, c'est utilisé entre autres cette invention-là. On parle ici du Cyclotron Atom Smasher. C'est utilisé pour traiter le cancer. De la prostate, entre autres, je pense. Entre autres. Ensuite, la chaise qui tourne sur elle-même. Ah. C'est une invention américaine. Thomas Jefferson est connu pour deux choses. Il est le père de la démocratie et est aussi l'inventeur de la chaise qui tourne sur elle-même. Bravo. Le tank gonflable est le prochain sur notre palmarès des inventions américaines badass qui ont changé le monde. Donc, le tank gonflable, même si c'est plus très utile de nos jours, ça a quand même été un facteur majeur dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était un genre de... C'est comme une tactique mensongère, si on veut. Donc, on gonflait des tanks pour avoir l'air plus armé qu'on l'était vraiment. Ah. Et puis, avec des sons amplifiés qu'il y avait autour. Et puis, les unités de l'infanterie... Est-ce qu'on dit infanterie? En tout cas, je connais pas les termes d'armée. Mais bref, ça faisait croire aux ennemis qu'on était vraiment dans la vraie vie. Ce qui a sauvé des dizaines de milliers de vies lors de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Donc, c'est le tank gonflable. Un peu comme dans « Maman, j'ai raté l'avion » où il fait semblant d'avoir une silhouette qui se promène sur le petit train électrique. Oui, avec sa petite machine qui fait des bruits. Oui. Le télécommunicassette, comme dirait Alexandre Mizouki. Oui, exact. Dans la pub, qui joue assez fou tout le temps. Le Roomba, ensuite, c'est la prochaine invention badass américaine, créée par une compagnie technologique américaine, iRobot, en 2002. iRobot, pareil comme le film avec Will Smith. Ça utilise le même algorithme de navigation que les autres véhicules autonomes de la compagnie iRobot. Donc, on parle d'unités pour se débarrasser des bombes, entre autres, là. Ils fabriquent ces affaires-là. Donc, c'est un petit robot qui est surtout utilisé pour nettoyer les tapis et les planchers dans les appartements. Et désamorcer des bombes. T'sais, il est vraiment polyvalent. Ben, c'est que ça contient les mêmes affaires dedans que ceux pour les bombes. Ben, je sais pas si t'es déjà allé sur le site iRobot.com, j'imagine. J'y vais de ce pas. C'est assez intéressant. OK. Ils font vraiment de tout, là. C'est ça va de l'entretien ménager, mais ils montrent un peu tout ce qui est les robots qu'ils peuvent utiliser dans l'armée. Ouais. Puis moi, je trouve ça cool, là. J'aimerais ça en avoir un, là. Vraiment? C'est vraiment cool. T'en as des différentes sortes. T'as même un robot pour faire tes gouttières chez vous à maison. Enlever les feuilles. Oui. Aïe, aïe. Non, mais c'est génial. C'est très génial. Ouais. Ensuite, une autre invention américaine badass, c'est ARPANET. Quand la construction a débuté en 1969 sur le Advanced Research Projects Agency Network, ou ARPANET, c'était un des premiers réseaux de communication numérique au monde. Et il y avait seulement quelques ordinateurs puissants partout autour dans le pays, finalement. Une version plus rapide du ARPANET est sortie ensuite, qui s'appelait le National Science Foundation Network, ou le NSFNet, ce qui a mené à l'Internet d'aujourd'hui. Ensuite, le Curiosity Mars Rover, c'est un petit peu plus récent, ça, après avoir complété sa première mission pour déterminer si Mars pouvait avoir déjà eu de la vie, si on veut. Donc, le Curiosity Rover, maintenant, il étudie des échantillons de la surface de la planète Mars, et c'est ce qu'il va faire pour les 20 prochaines années. Ensuite, le Sketchpad. Donc, le Sketchpad, c'est Evan Sutherland, un étudiant au doctorat au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui a créé le programme Sketchpad en 1963. Programme qui est considéré comme le père du design assisté par ordinateur moderne, ce qu'on appelle le CAD, C-A-D. Difficile de remettre les phrases en ordre. C'était aussi un prédécesseur de l'interface utilisateur graphique, ce qu'on appelle le GUI, le GUI, qu'on trouve dans les ordinateurs, les téléphones et les lecteurs MP3. Le GUI, c'est l'interface, là, comment les choses sont placées puis comment on peut contrôler avec un clavier, une souris ou son doigt. Là, je comprends. GUI. GUI. Est-ce que tu as compris? Non. GUI. Mais oui, il fallait que j'ai compris. GUI. Oui. Là, c'est comme une combinaison de go et de oui. Oui. Le Macintosh 128 est le prochain sur le palmarès des inventions américaines badass. Donc, sorti pour le public en 1984 à $2,495. Une machine, ce que je savais le plus marquant, c'était son prix qui était vraiment pas cher à l'époque. Donc, le matériel utilisé pour créer l'image à l'écran. Le matériel, oui, coûtait $10,000 environ, celui du Macintosh à l'époque. Donc, les affichages noirs et blancs et une poignée pour le transport était ce qui était assez marquant dans ce produit-là. L'ancêtre du laptop. Et pas mal, oui. Et finalement, l'impression 3D, encore une fois, une invention un petit peu plus récente, américaine. La stéréolithographie ou l'impression en 3D a été inventée par Chuck Hall, fondateur de 3D Systems. Ça a déjà été utilisé pour reproduire des parties du corps, okay? De la nourriture et des implants chirurgicaux. Et même des armes. Donc, l'impression 3D, c'était le top des inventions américaines les plus badass qui ont changé le cours de l'histoire. Malade. Donc, voilà pour son foutu palmarès. On retourne en musique encore un peu. Quoi? Soyons fous. Allons-y. Faisons les débiles. Allons-y avec la position. On saute par-dessus la... Non, on y va avec la 14e. Ouais, mais il faut bien qu'il joue une fois de temps en temps. David Bowie. Avec How Does the Grass Grow. Ça monte de 4 places de nouveau la semaine passée. On se retrouve juste après avec, entre autres, la carte postale musicale. Oh, d'accord. Simon Fitzbay, ça. Oui. Que je vais lire. Oui, avec ta voix. L'ami bien. Simon. Oui. Upon the little girl. the stars in the night. The light in my life burns away. There will be no tomorrow. Then you sigh in your sleep, and meaning returns with the day. C'était David Bowie et la pièce How Does the Grass Grow qui monte de 4 places en 14e position anglophone. C'était nouveau la semaine passée. Et maintenant, ben tiens, Simon Fitzbay, vous le savez, tout l'été n'est pas avec nous présent, genre en studio là, mais on l'a comme, comme avec une planche Ouija. Oui. Ou en hologramme. Comme dans Star... Chose. Star Wars Fever. Voici la carte postale musicale de Simon Fitzbay. Star Wars Fever étant la version musicale avec John Travolta de Star Wars. Ben oui, la fameuse... Avec ses gros habits. Ben oui, son gros... kit. Son gros kit couleur pastel. donc, Simon Fitzbay qui n'est pas là, mais qui va parler via Jean-Philippe Charbonneau. Oui, via... c'est ça, il prend le contrôle de ma personne. Avec la main, là. Ouais. Via un système électronique. Ah, là. C'est de Pouli. Oui, c'est ça, de Pouli. Exact. Je deviens une marionnette, là, l'instant d'un moment. Oui, marionnette. Oui, marions-nous. Le salon marions-nous. Ouais. Donc, je me souviens pas de quand est-ce que ça finit son intro. Ça, il reste bien du temps, on va te relooper ça après. Ah, parce que je trouve que le nombre de malaises qu'on avait fait est assez pour l'instant. Ouais. On fera d'autres malaises plus tard. OK, on a eu notre quota de malaise. Donc, j'y vais. Me voici maintenant dans le personnage de Simon Fitzbay. Salut, TR. J'imagine que vous voulez dire salut Trois-Rivières. C'est sûrement une faute d'orthographe, ici. J'espère que ça va bien malgré le festivois et le show de Grégory Charles et Éric Lapointe. De mon côté, ça ne pourrait aller mieux. Il fait beau, il fait chaud et j'arrive à me reposer un peu du dur quotidien d'universitaire dans laquelle j'évolue depuis trop longtemps selon certains. Peut-être selon lui aussi, hein, il dit pas. Ben d'habitude, je pense que c'est surtout selon lui quand il pense que les gens chialent contre lui et personne qui le fait sauf lui-même. Ah, c'est comme ben, sévère envers lui-même, ça. Mm-hmm. Va falloir qu'on s'en parle. Ben, ouais. Les vacances faites pour décrocher. Donc j'espère que vous apprécierez ma sélection de la semaine. On débutera avec Alte J. Une formation vraiment intéressante qui m'avait passé sous le nez lors de la sortie de l'album An Awesome Wave en septembre dernier. J'aimerais d'ailleurs remercier notre ancienne collaboratrice Marie-Pierre Laforge-Bourret, oui, qui m'a incité à découvrir Alte J. Maple Bee, on l'appelait. Qui? Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ah! Je l'appelais Maple Bee, c'était plus court de 14 syllabes. Ah ben voilà. on les compte pas assez les syllabes dans une journée. J'aimerais d'ailleurs prendre un moment pour saluer Marie-Pierre Laforge-Bourret, une chic fille qui a choisi de nous quitter pour s'installer à Montréal. Tu vas nous manquer, je vous propose... point. Tu vas nous manquer, point. Hein? Je vous propose la pièce Fleet's Pleasure. Hey, c'est comme Fitzbay, mais pas pareil. Je vous laisse deviner la raison de ma sélection. Je pense que j'ai volé le punch à Simon. Ah, voilà. Voilà. Fleet's Pleasure, c'est beau ça. Donc, ensuite, je vous propose Sheer Agony. Oui, et la pièce de People Left, tirée du très court EP Unruly Sisters. Je ne saurais pas vraiment élaborer sur cette formation montréalaise autrement qu'en soulignant les très belles qualités mélodiques de Jackson McIntosh. Une formation à surveiller qui nous promet de plus belles compositions sur leur Bandcamp. Continuons la fameuse carte postale de Simon Fidubé. Il y a de la place sa carte, hein? C'est le 14. Oui, c'est un gros carton qu'on a reçu. Là. Candy Claus. Ouais, Claus, qu'on prononce, hein? Je pense que c'est comme ça. Les griffes. Ouais. Devrait vous intéresser. Il s'agit d'une formation de Dream Pop passionnée par la nature qui nous a offert l'album Series and Calypso in the Deep Time. La semaine dernière, j'imagine? Oui, la semaine dernière. La pièce Transitional Girl, entre parenthèses Clever Bird, est une des plus joviales de l'album qui forme un tout fort intéressant. Candy Claus sonne un peu comme My Blondie Valentine quand on... Ben, c'est ça. J'ai toujours des problèmes d'écouteurs. Quand je fais Simon Fidubé, j'aime pas ça pour pas m'écouter. T'es en train de dire que Simon aime s'écouter? Non, mais c'est un peu chien. Non, mais j'aime ça m'écouter parce que je le lis, mais même, tu sais, je le lis pour la première fois, tu sais, avec toi. Et puis, ça me permet d'entendre ce qu'il dit. Okay. Aussi. Tu pourrais aussi le faire, je dirais, en ronde. Oui, c'est vrai. Excusez. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Oui, je crois que vous serez comblés à surveiller. Donc, évidemment, on parlait de Candy Claus. Et finalement, je termine ma liste de la semaine avec une petite trouvaille faite sur le blog Wild Honey Pie. Il s'agit de la formation You, Me and Us avec la pièce Swim Shink. J'aime vraiment le son de ce trio californien qui donne de dans le Sunshine Noise. T'en mets-tu des termes? Lui, il est content. Je suis sûr. Il m'a dit, je vais l'écrire phonétiquement. Je pense qu'il a oublié. Ah, ben, je pense que. Moi, je pense qu'on fait des meilleurs moments, là, en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime bien le Sunshine Noise. C'est la première fois que j'entends ce genre de dialecte. Vous pouvez télécharger la pièce gratuitement sur leur site www.thewildhoneypie.com. Donc, bonne semaine, les gars. Bon courage, Steph Simon. In your start with pleasure, boom, shape, pleasure. Deep greeting, googling, a bunch of and the day is more bright than I'll ever be. I just hope that she can forgive me if she even remembers. When I walk through Alton country, the air is crisp, the sky is sunny, there's not a soul around to break my peace. But back in town, all is in chaos. She's with her food to save us, and we're enslaved by the machines we made. It's not the same when you've got another form a name and a tattoo of your time and place of birth. The people left, they hide in caves, they C'était la carte postale musicale de Simon Fitzbé. Hey, hey, hey, hey, oh, hey, oh. On a entendu combien de pièces là-dedans? Bon, 4-5? Il y avait Alt J, pour commencer. Oui. On a eu Sheer Agony, avec la pièce The People Left. On a eu Clandy Klaus, avec la pièce Transitional Girl. Et on a eu finalement Wild Honey Pie. You, me and you. Non, You, me and us. Superbe ça. Ouh. Hey, allez voir ça sur assemblagerockey.com. La lettre, la carte postale de Simon y est intégrée dans les notes de l'émission de cette semaine. Et c'est là-dessus, sur cette carte postale musicale, que se termine notre première heure, entre guillemets et entre parenthèses. Adios, Tiora. Oh oui, dans quelques minutes, une deuxième heure s'en vient, remplie de bon matériel, entre autres la chronique de Justine Renaud. Justine procrastine. On aura aussi Kinky Sexy Time et ça va plaire à notre amie Stéphanie Paradis qui va être là pour la deuxième heure et le reste de l'émission, n'est-ce pas? Yay! C'est sa catchphrase, hein? C'est comme des Simpsons. Je suis rendu que je dis ça tout le temps à la maison. Ah, caramba! Ouais, à la ça, puis yay! Wow! Vous avez une vie palpitante à utiliser vos catchphrases avec tout le monde. J'en ai pas là de ça. Donc, restez là. Les aventures de notre émission Assemblage Rocky à la plage continue dans deux minutes. Sur le net ou c'est fou.ca 9. Toujours Assemblage Rocky à la plage, c'est la deuxième heure en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Oh yeah! Justine Renaud s'en vient dans une 25e de minute pour sa chronique Justine Procrastine. On va lui parler de Violent Femmes. Des femmes violentes? Ouais, c'est eux qui faisaient. Ils chantent en même temps, ça me défait un peu de la mélodie. Ouais. Tout le monde se rappelle de ça? Oui. Ça a comme laissé un froid, mais comme. Demain. Mathieu, tu peux te produire ça en spectacle. Ah, moi j'allais dire, ça ferait du bien un froid, il fait chaud. On est à la plage, c'est normal, devant ce beau resort que c'est fou, se permet à chaque été, dorénavant. Hein, fraîchement rénové. Oui, fraîchement déménagé bientôt. Puis tout, probablement. Ouais. Mais pour l'instant, on continue dans le palmarès anglophone et on était rendu aux positions numéro 13 et 12 de l'arrière à Suns avec Mirror, Mirror, mais on commence en 13e place stable. Du côté anglophone, évidemment. OK, je pense sur ce qu'on est. How this will end, André Papanicolaou. Oui. Papanicolaou. C'était beau, tes petits yeux paniqués. Ah. Ben oui, mais je suis comme une feuille qui arrive. Je sais pas trop, on est en anglo ou en franco. Quel chiffre. Ah. Surprise. Back in time, when I was yours and you were mine, would you change a single thing or let things play out as they did? Well, you don't know, you don't know. No, you don't know how this will end. 'Cause we can't buy what the future sells, but trade on what the past has did now. Say we grow as time goes by. I always thought that was a lie. I don't know, I don't know, no, I don't know. that we can start it up brand new. But I don't know how this will end. All I know is that it will. And I don't know, I don't know. No, I don't know how this will end. Cause we can't buy what the future says. The trade on what the past has did. Sales or trade on what the past has done. Numéro 12. De la pièce Mirror Mirror par formation Sons. Ça monte de 7 places. C'est la 12e position anglophone. C'est une nouvelle entrée, ça, la semaine passée. Paraboule. Miroir, miroir, dis-moi si je suis bien coiffé. c'est à ça que ça sert. Hein. Et il te répondra non. Non, non, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est l'humidité. Hein. C'est, Ah oui, je dois avoir des boudins genre en arrière. S'excuse tout, oui. Dans mes poils de dos. Des petits coquillages. C'est ça. Ah. Moi aussi, c'est bizarre. Hein. Ah, Yark, puis-je dire Yark? C'est vraiment pas très sexy tout ça. Ça fait un drôle de lien vers Kinky Sexy Time. Ah, ta boy. Ouais, mais ça. Kinky Sexy Time, c'est la chronique pour un public plus ou moins averti. Et on se s'enfile un paquet de liens à tendance un petit peu plus osée, certains diraient, s'ils voulaient faire la liaison. On devrait se faire un... Ben là, c'est une idée que je lance en l'air. On tire l'idée. Tu vois, là, on devrait faire comme les émissions de télé, là, faire... Cette émission pourrait contenir un public. Oui, ça serait vraiment le fun. J'y pensais. Avec une voix off. Je suis trop paresseux pour le faire. On fait ça tantôt. Live. Live. On devrait le faire tout de suite. T'es capable de faire une voix de même, là? Oui, mais attends, il faudrait que j'ai un texte. Pense-y. On va le faire à moitié, la croche. Ah ouais, c'est bon, on la coupera en deux. Parfait. Donc, commençons Kiki Sexy Time avec ce merveilleux petit fait. Non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Une des premières aides sexuelles pour femmes, ce qu'on appelle communément un dildo, était fait en bois et en cuir, dépendant un ou l'autre et ou les deux. Et on utilisait de l'huile d'olive avant de se l'insérer. Oh! De l'huile d'olive. Vierge, j'imagine. Très à froid. Extra dans le poêle. Oui. Revenir une couple de fois. Mm-hmm. Revenir, oui. Venir une couple de fois. ce qu'on appelle le figging, connaissez-vous le figging? F-I-G-G-I-N-G. Ça, c'est quand tu tripes ses figues. Non, vraiment. Ah, moi, tellement. Ah oui? Fait que je fais du figging. Tu fais du figging. C'est ça? Peut-être. Ben, on verra après. Non. C'est une sorte de sadomasochisme, en fait, où on insère un morceau de gingembre sans la peau, gingembre frais, dans l'anus. Ce qui va causer une sensation de brûlure extrême. Non, c'est bon, je fais pas de figging. Ceux qui se disaient fans de figging. Oui. As-tu vu la nouvelle émission pour enfants, là? Figging, ses amis. On dirait un petit mot doux, pourtant. Tellement. C'est tellement lourd. Certaines femmes, dans ce qu'on appelait les Moorish bathhouses, ça, c'était genre des bains publics. Il y avait des femmes qui étaient tellement bonnes pour enlever les poils pubiens, en genre de moton, si on veut, que les hommes payaient pour leur service et réussissaient à se rendre jusqu'à l'orgasme en se faisant tirer les poils pubiens par des femmes. C'est ce qu'on appelle les Moorish bathhouses. J'ai pas fait plus de recherches que ça sur les Moorish bathhouses, mais quand même. Intriguant. La première actrice porno à avoir réussi à entrer dans le domaine politique était Ilona Staller. Elle a été élue au Parlement italien en 1987. C'est ça, mais quand même. Girl power, hein? Comme on dit. Les hommes indiens qu'on appelle Patagonian, d'accord, utilisaient ce qu'on appelle un Guesquel, G-U-E-S-Q-U-E-L, qui est une bague nano pour l'entrejambe masculin, fait à partir de poils de mule, c'est un âne, une mule, bien sûr. Mule. Donc, des poils plutôt corsés ou rugueux pour donner à leur femme un orgasme intense. Donc, ils se mettaient cet anneau-là autour de l'engin et ça donnait plus de plaisir. Rib for her pleasure, come on. .com. Le premier numéro du magazine Playboy en décembre 1953 n'avait pas de date sur sa couverture parce que Hugh Hefner, vous connaissez Hugh Hefner, il n'était pas sûr s'il allait avoir un deuxième numéro. Donc, il s'est dit, je vais tenter ma chance, mais sans mettre de date. Tabarouette, il a bien fait de tenter sa chance. Ben, OK. Enfin, il aurait pu mettre une date tout de suite. Hein? Ben, s'il avait demandé l'opinion des gens si ça allait marcher, je pense que tout le monde aurait dit les femmes tout nues. Tu t'attends à quoi? Il y a une organisation qu'on appelle White Hands qui offre du soulagement sexuel médical aux gens qui ont des handicaps. White Hands, les mains blanches. Oui. Est-ce qu'ils mettent des gants? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se trame. Donc, tous ceux qui mettent des gants blancs sont des gens qui vont faire plaisir à des handicapés. Si on Non, c'est pas mal, ça marche? J'appelle ça une, un peu trop généralisé. Peut-être. Qu'est-ce que la mécanophilie, tout le monde? Mécanophilie. Triper sur ses robots. Ben, un peu. Non? Ouais. C'est l'attirance sexuelle envers les machines. Les boulons. Non? Ah. Les machines, les robots, ça rentre là-dedans. J'aurais jamais pensé ça de ton engin, JP. Ouais. C'est des méchants boulons ou des... C'est des boules longs. Des boules longs. Des boulons? Boulons. C'est un boulon? Ah oui, Zéboulon. Zéboulon. Ouais. Je vais en noter celle-là. Oui, c'est bon. Zéboulon, ça veut rien dire, ça. Non, mais c'est drôle. Bon. Donc, c'est ça, la mécanophilie, c'est une attirance sexuelle envers les machines. Et voilà, dans certains pays, ce n'est pas légal. Les gens qui souffrent régulièrement de migraines ont vu leur tendance à faire de migraines réduite de 80% avec l'activité sexuelle qui augmentait sur une base quotidienne, donc qui passait de quelques fois par semaine à quotidiennement 80% moins de migraines. Ah! Ouais. Ben, moi, je fais de migraine. Donc, bonne raison de? Ouais, c'est ça. Au lieu de dire « Non, j'ai mal à la tête! » Justement. C'est le contraire. Ouais, c'est comme « Oui, j'ai mal à la tête. » Fait que, quelque chose. Ben. Ouais. 4 femmes sur 10, ou presque 40 % préfèrent la masturbation au sexe. Combien? C'est mon Dieu. 40 % Ouais, non, mais ça, c'est quand tu sors avec quelqu'un qui sait pas y faire, j'imagine. C'est ça. Ou que tu sors avec personne. Oui. Oh, c'est ouais. Bien dit. Bon point. Ben non, quand tu sors avec personne, me semble, à un moment donné, t'en rêves un peu, non? Ben oui, c'est pour ça. Là, il tombe sur le solo. Non, non, mais là, il dit qu'il préfère la masturbation. Ouais, c'est une préférence. C'est vrai, c'est vrai. C'est non pas le choix des mots. Mm-hmm. Le choix des mots. Jusqu'à la fin du 17e siècle, les ovaires, on appelait ça les testicules de femmes. Ou feminine testicles. L'érotomanie, qu'est-ce que c'est l'érotomanie? La manie de s'érotiser. Oui, c'est la croyance désillusionnée qu'une personne célèbre est en amour avec toi. Oh! Personnalité publique. Oh, ça doit arriver souvent, ça, je pense. Ouais. Près de 50% des hommes, ça, je pense qu'on a déjà entendu parler de ça à peu près aussi, là, mais environ 50% des hommes pensent que leur engin est trop petit. Ça, je pense que c'est assez évident. Presque 80% des femmes qui sont dans une relation disent que des fois, elles ont des relations sexuelles avec leur partenaire seulement pour leur faire faire des tâches ménagères. Ben, tu sais. Si on le fait, tu fais les poubelles, tu fais la vaisselle, ouais. Tu vas manger. Bon. Moi, je faisais soit des échanges, tu retour au dépanneur, s'il te plaît. C'est bien de connaître ces détails-là. Qu'est-ce que la dysabiliophobie, pardon, dysabiliophobie? Triper sur le fait de déshabiller quelqu'un. Non, c'est le contraire, phobie. Ah, c'était comme une pogne. C'est une pogne, j'ai mal lu la question. C'est la peur de se déshabiller devant quelqu'un. Oh. Dysabiliophobie. Le mot danois pour condom, c'est Svangerskasvorbigendemiddel. On dirait, middle, on dirait le milieu, donc sûrement quelque chose qu'on insère au bout de l'affaire qui est au milieu de ton corps. Je dirais que c'est la traduction de Svangerskasvorbigendemiddel. Ils ont sûrement trouvé une petite abréviation pour rendre ça un peu plus cocasse pendant l'acte. Genre un... T'as-tu un zvang? Ouais. T'as-tu un zvang? T'as-tu un zvang sur toi? Ouais. Zvang, hein? Hey, ça vient pas de là, le avoir du swag. Swag. Ça s'écrit de même. Move like Jagger. Ouais. Et autre merde. YOLO! Si tu n'es pas une personne attirante physiquement, okay, le deuxième trait le plus désirable par l'autre personne, c'est l'odeur. Et ensuite, le talent. Donc, perfectionnez l'odeur et le talent si vous n'êtes pas une belle personne. Bon. Voilà. Le plus gros condom du monde fait 220 pieds de long. J'allais dire, et dans mon tiroir à la maison. C'est plus un handicap, là. Oui, rendu là, c'est dur de vivre. Ouais. Mais si t'as un handicap, il peut demander aux femmes qui mettent des gants blancs de l'aider. Oui. Il peut aussi s'insérer des petits bouts de chamois. De chamois, non. C'était quoi? Gingembre. Gingembre. Oui. Du chamois. Non, mais comme le chamois, aux gens. Je pensais plus à biquette, là, le poêle. Le rond. Le oui, ring, l'anneau. L'anneau de poêle de mule. Le mule. Ah. Le mule. Le mule. Le mule. Le record Guinness pour le plus de brassières détachées en dedans d'une minute. Et le combien, selon vous? Le plus de brassières détachées. Ah, une minute? Une minute. Moi, je suis capable d'en faire... Ben, à peu près une par seconde. Ouais. 60. Ah, vu ma... Non. 56, t'écris juste. Ah, ben moi aussi, ben, j'y allais non. Comme ça. Sauf que je calculais comme beaucoup trop de choses pour rien. C'est, attends, je mets le 1 en haut, tu transfères l'autre. C'est là, OK, il y a 60 secondes dans une minute. Dans une heure, il y a combien de secondes? Ouais. J'ai oublié ça. T'es rendu un petit peu trop loin. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai oublié d'arrêter. La racine carrée. En Colombie, c'est très commun pour un garçon de perdre sa virginité à un âne. Et on croit que ça va faire grossir l'engin du petit garçon avec le temps. Un âne. C'est une belle histoire. Pas une mule. Pas une mule, un âne. Un mulet? Un mulet. Un mulet. Avec un mulet, tu n'auras pas... Même un âne ne voudra pas de toi, c'est un mulet. C'est la molette. OK, un molette. Un molette. La faim, la soif et le désir sexuel affectent le même endroit dans le cerveau, plus ou moins. La faim, la soif et le désir sexuel. Fait que si t'as envie de prendre un verre d'eau. C'est ça. Ça va passer. Viens dans un verre d'eau. Non, ça marche pas ça. Je vais le manger à quelqu'un. C'est une nouvelle option, je pense, de l'abreuvoir. Tu peux remplir ta bouteille avec un petit robinet. Tu peux aussi faire pipi dedans. Oui, c'est ce que je disais tantôt, Ardon. C'est ça. Et vice-versa. Vice-versa. Je vais aller chercher mon nom ailleurs. Voilà pour Kinky Sexy Time. Tous les liens sur twitter.com/assemblage c'est fou. Il y a une petite liste qui s'appelle Kinky Sexy Time et toutes nos sources sont là-dessus. twitter.com/assemblage c'est fou. Merveilleux, ça. Toute beauté. Wonderful. Wonderbar, Wonderbra. Butterball. Ça, c'est des dindes. Hein? Ouais. Butterball. Avant d'accueillir Justine Renaud et sa chronique Justine procrastine, on retourne en palmarès, comme toujours en anglophone cette fois-ci. Et on s'en va entendre la position numéro 11 tout de suite. Et ça monte de 6 places, c'est Bones de Miss Mister. Oh ben, monsieur dame! Merci, bonsoir! Comme dirait le mauvais talk show à TV dans le temps. Merci, bonsoir. C'était qui? François Morancy. Ah! Ça, c'est pas celui des Scott Towers, ça, c'est François Mascotte. J'ai mal tout le temps. Non, ça le dit Scott Towers, Mascotte Towers. C'est la mascotte de la compagnie. Exactement. C'est un assemblage requis à la plage. On absorbe le contenu. Non, juste. Votre plaisir. On va sur le front. Dig up the bones, but leave the soul alone. Boy with a broken soul, heart with a gaping. Midnight hours, cold street passages, forgotten savages. Thank you. déguste des créatures de la mer en ce moment. On mange des langoustines et des... Des étoiles de mer. Des crapets, oui, c'est ça, des étoiles de mer. Ouais. Toujours ensemble à jouer à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis. Et Mathieu Blonde. Est-ce qu'on mange les petits biscuits, là? Ah non, il a perdu son animal de mer. C'est les petits biscuits qui remplacent, là, avec la marque Maison, les petits poissons oranges, là. Ah, les goldfish. Goldfish, mais c'est des cheapos. Bizarre. Et puis moi, ben, la chronique King Sexy Star m'a donné envie de manger des carottes. Depuis quand tu manges des légumes? Ben, on avait ça, là. C'est de la bonne radio, je trouve. De très bonne radio, non? Oui. On va retourner au palmarès. On va l'entendre à la position numéro 10. Et ça monte de 6 places. Et c'est Lose Yourself to Death de Daft Punk. Miam. Ça, c'est bon, des carottes, ça. Mmh. Ah ouais, j'ai pogné une baleine. On dit une baleine. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est ça, c'est une baleine. C'est une baleine, ça, mais il me semble qu'il est carré. Ben, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Hein? Lose yourself to dance. I know you don't On est en train de se perdre dans la danse de nos papilles avec une barre tendre au sundae aux fraises. Délicieux. J'ai fait goûter ça pour la première fois à mes collègues ici. Oui, c'est ça. C'est bon. Oh, mais oui, oui. Ça fait fancy, je trouve. Mmh. J'ai l'impression d'avoir mangé quelque chose de fancy, mais c'est une barre tendre. Grandiose. Mmh. Mais je sais pas si j'en aurais pris plus que le petit bout là, que je viens de prendre. Mais une chance qu'ils sont minuscules et beaucoup trop petites pour mon appétit. Parce que sinon... T'en enfilerais un après l'autre. Hein? C'est pas mal ce que je fais déjà. Donc, toujours assemblage requis à la plage. En attendant, Justine Renaud qui s'en vient dans quelques minutes. Évidemment, elle prend toujours du retard parce que sa chronique s'appelle Justine procrastine. C'est bien normal. Et ça nous donne juste assez de temps pour parler des choses qui nous ont fait chialer cette semaine. Donc, voici les fers de la semaine. On commence avec cette semaine, on commence. Non, non, tu l'as commencé avec moi. Non, mais j'essayais de te couper l'herbe sous le pied, mais t'as dit, hop! Je suis tout le temps à l'avant. Tu penses que je suis pas là, mais je suis tout le temps à l'avant. T'es trop devant toi. Quick. Quickie, edition. Quick aux fraises. Oui. Quick, oh miam, ça fait longtemps. Ah, oh, là, ça me rappelle les souvenirs. Donc, mon fait de la semaine, ben, comme toujours, c'est plus plate, hein, donc ça va être déjà fait. Mais là, on le sait pas. Tu commences. Je voulais vendre plein d'affaires depuis quelques temps. Je veux vendre des choses, mon corps entre autres, pour pouvoir m'acheter des nouvelles choses. Et je vends pour acheter parce que j'ai pas l'argent pour acheter des nouvelles choses, donc il faut que je vende pour acheter. Mm-hmm. Tu sais, c'est de même, ça marche dans la vie des fois. Donc j'ai réussi à vendre mon ordinateur pour en acheter un nouveau qui s'en vient. J'aurais pas checké la page pour. C'est arrivé? Pas encore. j'ai essayé de vendre une petite boîte multimédia que j'ai dans mon salon pour m'en acheter une autre parce que je suis tombé en amour avec un autre modèle. T'sais. Elle va super bien. Tout. Fait que là, j'arrive, je la mets sur Internet, sur les packs. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que quelqu'un m'écrive. La personne m'écrit, il me dit « Es-tu libre cet après-midi? » Moi, je dis, j'y réponds. Oui, je suis disponible, même que je m'en vais au Carrefour. Dans genre 2 heures tantôt, je vais être là de toute façon. Fait que je vais l'amener. Puis, tu sais, si tu réponds dans les temps, on pourra se rencontrer, puis tu vas bien aller. T'sais. Fait que je suis allé là-bas avec ma boîte dans un sac. C'est quand même assez pesant. Les fils de la boîte. J'ai une question. C'est quoi une boîte multimédia? C'est une petite boîte avec un fil HDMI et une télécommande et que tu peux avoir accès sur ton réseau d'ordinateur. Mettons ton réseau Windows, Mac. Là. Tu peux avoir accès à tes fichiers et ça lit tes vidéos téléchargées illégalement, tes rips de Blu-ray ou DVD. OK, OK. Tu sais, tous tes fichiers. Tu peux aller voir YouTube, Netflix. Tu peux aller voir le site des chaînes. Un peu comme une télé. Tu choisis ta chaîne. Tu en télécharges des nouvelles. Donc, c'est une boîte multimédia de salon. Ça remplace un ordinateur. Et dans le fond, c'est un ordinateur Linux avec une télécommande avec un petit clavier en arrière. Super cool. Oh! Bref. Ben, belle fun. Et donc, là, j'arrive avec mon gros sac et tout ça. Et là, ben, finalement, il me répond pas, hein. Fait que je magasine avec ça en dessous du bras. Et on crevait ben raide. Moins pire qu'aujourd'hui, mais quand même. J'ai marché du centre commercial, jusqu'à la banque, jusqu'au bureau en gros, jusqu'au Carrefour, avec ma petite boîte en dessous des mains. Moi, j'ai répondu. Jusqu'à qu'à la fin de la journée, ils me répondent, puis ils me disent, ouais, je vais se recontacter pour demain, tu sais. Pour le faire demain. Fait que là, je fais comme, t'es sûr que tu peux pas te libérer? Ah non, ça y est, à demain. Et finalement, il me réécrit le lendemain, puis il me dit, ben finalement, laisse faire. Ah, oh, bon. Ouais, fait que je pensais pouvoir la vendre à, ben finalement, je la vends pas, puis je me suis déplacé pour rien. Mais bon. Hey, ta petite boîte au centre de show? Oui! Ben, il vendait des allumettes pour se réchauffer. Puis le pire, c'est que, j'avais mon petit sac, mais c'était un sac genre d'épicerie. Fait que là, j'arrêtais pas de penser que j'allais me faire prendre, que je sortais avec un produit que j'avais pas acheté. Et vu que j'avais pas ma facture avec moi, ça aurait pu me nuire, tu sais. Si quelqu'un me dit, est-ce que t'as une preuve que tu l'as acheté ici? Non, j'ai pas ma facture, ben, donc tu l'as volé, tu sais. Fait que. Là, tu regardes, il est tout used, tu sais, il y a plein de. Ben, oui, je prends ça de mes affaires, mais non. 90$ sur les packs. Wow. Ah, t'as baissé ton prix? Ouais. Ah, mais je me suis rendu compte entre temps, et ça, c'est un autre gars qui m'a écrit parce qu'il était intéressé, un autre qui m'a lâché. Il me dit, pour la boîte, dans le fond, je l'avais payé comme 175, 180 à l'époque, l'été passé. Et puis, je l'ai mis à 110, genre. Et 120. Puis, 120. 120. Et, ben, j'en la suis. Hein. Mais c'est parce que ça m'intéresse, cette petite boîte-là. J'ai encore baissé mon prix. Hein. Ça arrête pas de baisser. Donc, il y a personne qui a vu ça. Fait que j'ai baissé mon prix. Et puis, le gars me réécrit. Il me dit, chez Future Shop est rendu à 115. Neuf. Ah! Fait que j'ai coupé mon prix. Hein, c'est... Ça brise mes profits un peu pour m'acheter la prochaine, mais c'est pas grave, l'autre, tu sais, elle m'intéresse, puis tu sais, je vais pouvoir me lâcher en partie. T'sais. Tu me diras quand tu vas être descendu jusqu'à 50$. Pis... 50$! Ah, c'est comme j'ai mis une souris neuve, une souris que j'ai utilisée pendant littéralement 3 jours, OK? Parce que mon Bluetooth sur mon ordinateur, il allait mal. Fait que la souris, je l'ai utilisée 3 jours, je l'ai mis dans son emballage, je l'ai mis sur Internet, je l'ai acheté 75$, je la mets à 50$, personne ne la veut. Il y en a un qui m'écrit hier, il me dit, j'en ai 35$, tu viens me livrer. Hey! Ben oui, m'en était livré, m'a baissé ça de 15$, tu me prends pour qui, tu sais? Ouais. Ah, c'est pas toujours évident, les belles petites annonces. Ah, hein. Vraiment. Lala. Ah, lala, c'est juste mon petit fail de la semaine. Pauvre Mathieu. Merci. On va de quel bord? Roche-papier? Ciseaux! Ok, moi j'ai dit papier, mais merde, j'ai perdu. Oups, choisis. Hein? Ah, j'ai rien compris. Tu peux le prendre ou le... Ok, ou le... non, non, ben je vais y aller. Ok, d'accord. Fait que, ben moi, en fin de semaine passée, samedi, je suis déménagée. Donc, on le sait, dans les déménagements, c'est rare que tout va bien. On s'entend... En fait, tu nous avais dit que le déménagement serait justement un bon... un bonbon. Un bonbon pour trouver des fers de la semaine pour la prochaine chronique. Tu savais que t'allais avoir une source inépuisable. Je veux dire, ben, inépuisable. Et David était là, donc. Non, il était pas là, David, finalement. Il n'a rien de cassé. Ben, David, mon chum, mais pas David Ferron. Fait que, tu sais, mais là, tout va bien. Tu sais, un petit crash sur le frigo, mais... Bah, ça, c'est pas si pire. On s'y attend. Rien de majeur, mais mon Dieu, tout va bien. On se rend à domicile. Bah, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais je tabarouette. Me semble, ça va trop bien. C'est comme plat. Tu sais, moi, j'avais espoir en cette journée-là pour avoir un fail à vous raconter. Fait que là, on arrive pour avec notre dernier voyage pour débarquer ça. Là, je tabarouette, hein, ça a bien été. Fait que là, on ouvre la porte du camion pour finalement vider le dernier voyage. Mais tu sais, des fois, avec le dernier voyage, c'est pas plein jusqu'à la porte. Hein, Parce que c'est ça, fait que ça bouge. Fait que quand on a ouvert la porte, moi, dans le fond, j'avais emprunté à ma belle-sœur son couleur électrique pour mettre le contenu de mon frigo dedans pour pouvoir transporter mon frigo. Mais le couleur, il s'est déplacé pendant le voyage. Donc, quand on a ouvert la porte du camion... Le couleur, il a comme décidé qu'il se pitchait en bas. Fait que là, il a comme virevolté. La porte, elle a ouvert et le contenu de mon frigo s'est déversé dans l'entrée asphaltée. Il voulait t'aider, là. Il voulait juste se lancer dans le frigidaire. Fait que ça fait comme une espèce d'explosion de pots de nourriture. Une explosion, donc. Ouais, c'est ça. Je suis en train de le noter. Mais bref, mais j'ai été chanceuse dans ma malchance. Il y a juste un petit bouchon qui a éclaté. Ça a fait une mini flaque, mais tout le reste est intact. Et je trouve ça vraiment étonnant parce que... Tout est en verre aussi. C'était des pots maçons, des bouteilles de sauce et tout ça. Ça n'a pas explosé, mais pendant que ça tombait... Moi, en passant, j'ai aucun sang-froid dans la vie. Quand quelque chose arrive, moi, je fige. Je suis la dernière personne qui peut vous aider en cas d'urgence. Je vous le dis bon, à l'avance. Oui. Donc, quand le couleur se déversait, moi, j'ai figé les deux mains sur la tête puis je me disais, « Oh, mon Dieu, j'ai l'air folle. » Puis là, je me suis rendu compte que je parlais à voix haute. Ben oui. Et voilà. Mais c'est ça. C'est donc mon frigo a décidé de prendre une marche sur l'asphalte. Tu sais ce que j'ai appris dans le camion? Hey, une chance que ça n'a pas explosé dans la face des gens parce que ça a arrêté vu que c'est des pots en verre. En verre et contre tous. Jean-Philippe, ton tour. Ben, écoute, moi, c'est un petit fail aussi cette semaine. C'est pas une grosse affaire. Je t'ai montré tantôt la photo de mon petit poulet que j'ai fait. Oui, raconte-nous le petit poulet. J'ai acheté un petit poulet entier puisque bon, j'ai déménagé aussi. Puis là, je me suis acheté un barbecue, tu sais, un plaisir d'homme, tu sais, oui, vraiment, oui. Le viril. Là. Ouais, tu sais, là, je regarde mon barbecue, puis je suis comme c'est une belle machine. Je suis content. Fait que là, je suis à l'épicerie, puis là, je vois un petit poulet entier, tu sais, puis là, je fais oh, barbecue, un petit poulet entier. Faut que je fasse mon premier genre petit poulet entier avec une bière dans le. Dans le trou de. Dans la cavité. L'orifice. Oui. Donc, bon, je fais. Ça va être malade. Fait que j'achète le petit poulet entier. Une canette de bière. Oui, c'est. Ouais. Une 24, mais il faut qu'il m'en reste une absolument pour le petit poulet. Non, ben, il me restait de la bière du déménagement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce qui restait. Donc, tu sais, hier soir, je finis de travailler. J'arrive du bureau. Puis là, je calcule mes affaires. Je suis comme, OK, faudrait souper vers 7h, 7h30 à peu près. Moi, j'arrive, il est 5 heures, je suis comme, oh, tu sais, j'ai le temps de faire le gazon, tu sais, une autre activité d'homme. Ben oui. Fait que là, je me mets sous le gazon, je passe le Weed Eater, puis là, je fais, oh, j'ai du gazon partout. Genre, j'allais prendre une mini douche, genre, juste pour me rincer, puisqu'on allait au festival après. Puis là, je sors de la douche, j'ai le temps de faire tout ça, il est à peu près. Ben, il est pas mal rendu 7 heures, là. Puis là, je fais, ah, ben, j'ai pas fait mon petit poulet, moi. J'ai comme oublié que ça prenait une heure et demie à cuire un petit poulet comme ça. Oh non, faut vraiment manger à 9h. Ben ouais, c'est ça, pas mal. En fait, ouais, c'est ça. J'ai mis 1h15, ça a été correct. Puis j'ai vraiment, je me suis complètement trompé dans mon calcul. Plus jamais je me fais confiance. J'ai vendu mon barbecue. Non, non, mais j'ai réussi à faire le petit poulet qui, soit dit en passant, était très bon. Mais, oui, et il était bien content d'avoir eu ça dans le cul. Oui. Qui n'en rêve pas, hein? Ben oui, c'est ça. Moi, tous les jours, je me réveille et je me dis encore une journée, pas de canette de miel dans les fesses. Puis là, je suis déprimé. Ouais. Fait que c'est tout, là. C'était vraiment juste un tout petit fell. Ben, on va le mettre moins fort. OK. Ça paraît moins. Ça, ça a marché, ça? Ouais. Ah, une autre fois. Voilà pour les fers de la semaine. Dans quelques minutes, on va voir Justine Renaud qui s'en vient. Hey, ça connaît Justine Procrastine, tranquillement, pas vite. On fait ça là bientôt. Ben, je viens de voir son auto. Elle vient de se stationner. Je la vois là-bas. Pout-pout! Pout-pout! Avec une poulette. Petite voiture qu'elle appelle poulette. Elle a aussi une canette de bière dans les fesses. Donc, on est rendu à la position numéro 9. Ça monte de la 20e place. C'était nouveau la semaine passée. Et c'est Hollow de Alice in Chains. YOLO! On l'écoute mille fois. YOLO! YOLO! Ben oui, ça j'ai dit. OK. Fail. Ouais, je la compterai la semaine prochaine. Un peu. Ah, maudit. Oh là là. Ah, maudit. Hey, si j'avais été tight dans ma technique. Ah. Ah. Oh. Je m'excuse d'être là. Alice in Chains et la pièce Hollow qui monte de la 9e place. Ça monte, ça monte de la 20e, donc de 11 places en 9e position anglophone. Ouais. C'est mêlant un peu? Non. Moi, je suivais. Good. Ça paraît. Qu'est-ce que tu brasses comme ça? C'est comme des maracas, mais du jus? Ouais, je suis un accessoire petit. Ça fait aucun bruit, ça aide pas du tout. Mais je pense que j'ai un coco à la maison. OK. Je pense que je vais l'apporter la semaine prochaine. Quand ceux qui se demandaient où t'avais mis ta tête, là, c'est un coco à la maison. J'ai un coco à la maison, c'est ça? Good. Justine Renaud qui vient d'arriver, salut. Oui, je viens d'arriver en tercelle qui rend l'âme peu à peu. On lui fera une élogie plus tard. Une allergie. Oui. Je suis rendue allergique à mes dents pleines d'acariens il y a 1996. Ok, t'es bien, j'avais entendu tes dents remplies d'acariens. Quand on se dit, tu nous as déjà fait une chronique, c'est un fait au sujet de le poids de l'oreiller au bout de deux ans, là, que 10% des acariens et de leur excrément composent 10% de l'oreiller. Imagine-toi après combien d'années j'ai. 17 ans mon auto, 17 ans d'acarien dans mes bancs. Ouais. C'est pas parce que je suis bonne en maths, là, c'est parce que moi aussi c'est 96. Puis ça, je l'ai compté hier pour savoir à quel point mon genre t'es vieux. Top là! OK, bravo. Ça fait que mon genre est 100% acarien. Il est acarien proof. J'ai le mot là-dessus? Je pense qu'on va repartir le thème. Acarien. Restez là, Véronique Mir s'en vient, peut-être. La radio autrement. Dans vos oreilles. 89.1. C'est la troisième heure de Sans la joie qui est à la plage pour la semaine du 1er juillet 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Bloup Bloup Plan. Ploup, on dirait quelqu'un qui fait des caca dans une toilette. Ouais, ou des petits pets dans l'océan. Voilà, dans l'océan de la vie. Je m'excuse, c'était pas l'image que je voulais envoyer. Mais trop tard, c'est ce que ça m'a donné. Justine Renaud qui est là. Oui, je suis là. Oui, on est dans un petit flou, on sait pas trop si on le fait là. Wow, attends un peu. Oh. Si on le fait là. Si on te sort dessus maintenant ou si on regarde ça pour plus tard. On va regarder ce qu'en dit le temps. Ah, oh, il est 4 heures sur mon ordinateur. 4 heures sur mon... On dirait du rap. Yo. Yeah. Wick-a-wick, gâteau. Wick-a-wick. Le fromage. Squick-a-squick. Pour l'instant, on va continuer en musique un petit peu avec la position numéro 9 du côté anglophone, bien sûr. Non, c'est la position numéro 8. C'est Pretty Boy de Young Galaxy. Et c'était en 9e place. Ça monte d'une place. T'as raison, c'est juste là, je le vois. Là. Il est là. Il est bleu avec du rose dessus. Oh, wow. Tu vois, rose, c'est rouge. C'est du turquoise. Ben, t'es daltonien. Personne n'est d'accord avec moi. Tu as les yeux fermés. Young Galaxy et Pretty Boy qui montent de seulement une place en 8e position anglophone. Tout à l'heure, Bonnie Ruffians et Phoenix s'en viennent en musique anglophone, encore une fois. Toujours avec Stéphanie Paradis. Oui, Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante, c'est quoi ça? Cet échange-là de rotation? Hey! Wow! Je m'excuse, mais on n'a jamais fait le sens horaire. Là. On peut-tu qu'on revenir au sens anti-horaire? Ah, moi, je ne sens plus mon pouls. Tantôt, d'ailleurs, on parlait de la couverture qui était rose et mauve. Moi, je trouve qu'il est plus rose saumon. Vous autres, vous trouviez ça rouge? Bien, plus proche, je confirme que ça ressemble plus à du saumon. Bon, moi, j'ai envie de la prendre en photo, oui. De la mettre sur Facebook. Tu peux aussi juste la chercher sur Google Images. C'est comme tu veux. Prends ça en photo. Moi, là, bon, ouais, t'as bien raison. j'ai un saumon à la maison. Devinez comment il s'appelle, mon saumon? Tu j'essaye? Essaye-le. Mettons, saumon fidélité. Vole pas ma blague! C'était ma blague, je voulais la faire moi-même. Non. Saumon fidélité. T'as juste à pas nous les dire à l'avance. Ben, c'est pour ça qu'on se dit rien. Non, franchement, Mathieu, je veux pas le crédit pour ça, jamais. c'est Mathieu qui a dit ça, là. Moi, je la trouve très drôle et j'espère que Simon l'apprécie autant. Donc, en tout cas, Si elle trouve pas drôle, merde. Non, ça marche pas du tout ce que je dis. Parce que j'allais dire saumon. Saumon mon problème. Saumon mon problème. Saumon mon problème. Saumon, c'est pareil. Mmh. Donc, tantôt, on a introduit Justine Renaud qui va pouvoir participer dans la chronique que voici. C'est celle de Véronique Mire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On peut dire ton nouveau titre et nouveau poste à l'intérieur de l'UQTR. Oui, officiellement permanente maintenant à l'UQTR. C'est quoi ton poste? Merci. Conseillère en gestion des études. Fait qu'elle conseille de gestion et des études, comme j'ai dit elle tout à l'heure. Elle conseille et gère, peut-être aussi, on sait pas. Hey, pour fêter ça, là, c'est ma tournée, c'est sous mon bras. Sous mon bras! Oh! Oh, je suis tellement fière. Écris là. Ça tombe, oui, attends, c'était quoi? Sous mon bras. Saumon bras. Ouais, on dirait que juste écrit, ça a l'air bizarre un peu. Oh, c'est ça, hein? C'est parce que c'est moi qui assort, c'est ça? Mais saumon fait du B. Ça va être des finalistes. Donc, Véronique, un parti pris. Un petit peu. À peine. C'est la chronique de ZAA. Oui. Comme toujours, et on est rendu à une lettre qu'on vient d'utiliser comme 1000 fois dans nos blagues tellement drôles, le S. Le S. Ah, c'était pas le C? Oh. Non, c'est le bien le S. On n'est pas de très bons. Tout à fait raison. Très bons éclairs. Ou le Véronictionnaire. Oui, le Véronique. On avait oublié le nom. Dictionnaire. C'était moi, ça aussi, cette blague-là. Oui. Okay. J'en ai pas rien que des mauvaises. Bon, moi, je pensais pas que c'était une blague. Non, c'est un très bon nom. Donc, le Véronictionnaire, oui. Lettre Donc, S. La lettre S aujourd'hui, il y a un beau planning. On va commencer avec le sel et non les sels. Non, En tout cas, il y en a que je préfère dans ma bouffe. Quand même, il y en a que tu préfères dans ta bouche aussi. Dans la bouche des goûts, évidemment. C'est Wow. Le sel, qui est un exhausteur de goût, hein, donc il fait ressortir le goût sucré des aliments. Donc, si vous avez un gâteau qui est... La pâte à gâteau est fade ou une pâte à crêpes que vous trouvez trop légère, vous pouvez ajouter un peu de sel. C'est pour puis ça, ça dans les gâteaux. C'est ça qu'on met du sel dans nos pâtisseries. Entre autres. Ça, c'est vraiment un gros mystère de la vie résolu pour moi. Puis, par exemple, si vous mangez un melon d'eau que vous trouvez plate, fade, vous mettez un peu de sel dessus, puis il va devenir meilleur. Si tu mets une feuille de bounce, il n'y a plus d'électricité statique dedans. C'est un petit truc de recette. C'est pour ça la tequila. Tu mets du sel, que ce soit meilleur. Ça pourrait hausser le goût, mais finalement, ça marche pas pour le tout. On en met dans les gâteaux aussi parce que c'est un conservateur. Hein. Ça fait que vos gâteaux se gardent plus longtemps. Comme on s'en servait pour saler les poissons et les viandes autrefois. C'est ça qui était passé date. J'aurais dû en mettre dans mes muffins qui ont moisi au bout de 3 jours. Je pense que quand l'action est faite, c'est tout late. Non, mais j'aurais dû en mettre dans ceux-là avant pour pas qu'ils moisissent au bout de 3 jours. Oui, puis les fameuses meringues, là, les blancs d'œufs montés en meringue, hein, souvent, sont super belles puis vont foirer après quelques minutes. Bon, prenez-les en photo. Mais si vous mettez assez de sel, ça va faire des pics bien fermes. On aime ça, des pics fermes. Oui, voilà. Ça marche avec du sucre? Moi, je mets du sucre dedans. C'est le sel qui est le... OK, ben, je vais acheter du sel la prochaine fois, sérieux. Mais pour pas vrai, trop, hein? Je pense à toi. Ça goûte pas trop. Non. C'est merveilleux. On va faire des meringues, tu vas penser à moi. Non, je vais mettre du sel partout. C'est merveilleux. Bon. Hey, maintenant, superstition avec le sel. Donc, il faut pas se passer une salière de main en main. Faut la mettre comme sur la table. Puis je pensais de bouche en bouche, mais... OK. Comme il ne faut pas non plus renverser la salière autant que possible, si vous le faites, vous lancez une poignée de sel derrière votre épaule pour conjurer le mauvais sort. Y a-t-il une épaule de prédilection? Ça peut être n'importe quelle épaule. Parce qu'on dirait, moi, je savais pas, est-ce que c'est la main droite par-dessus l'épaule gauche, la main droite par-dessus l'épaule droite, la main gauche, tu sais? Y a rien. C'est en dessous de la jambe avec la main droite. Avec une main sur la bille. Tu portes la gauche ou tu portes la droite, Steph. C'est ça qui est important. Donc, voilà. Moi, j'en lançais partout. Fait que... Non! Pas de chance. Si vous avez peur des mauvais esprits aussi, le fameux truc de mettre du sel dans les quatre coins de la maison ou encore de faire un cercle. Là, si à un moment donné, je sais pas, là, vous êtes attaqué là, par des mauvais esprits, vous faites un cercle de sel par terre puis vous mettez en plein milieu. Mais un internaute nous dit bien que si vous pensez que les mauvais esprits vont rester pendant longtemps, prévoyez des bouffes. La bouffe. Sinon, tu vas être pogné à manger du sel. OK, superstition. On continue sur cette lancée. Bonne idée. Un oiseau qui frappe une fenêtre. Donc, s'il meurt, ça veut dire que quelqu'un va mourir dans votre entourage. Mais j'ai pas encore entendu parler de personne qui est mort depuis qu'il a foncé dans le vide puis qui est mort là un an. Fait que là, ça pourrait arriver n'importe quand à la mort. Ça pourrait être n'importe qui. Ça arrive, ça s'en vient. Ouais. Peut-être un de vous autres sur cinq personnes dans le studio qui va mourir. Non, impossible. Nous, on est immunisés. J'ai fait un sac de sel avant qu'on entende. Ou s'il est juste blessé, ben là, c'est de la maladie. Bon. Pourquoi faut pas passer sous une échelle? Pas quand on tombe sur la tête. Pas quand on tasse. Pas quand on tasse à la tête. Ça vient de très longtemps, en fait. C'est que l'échelle sur le mur fait un triangle qui représente la Sainte Trinité. Hein, donc, Père, Fils, Saint-Esprit. Il faut pas pénétrer la Trinité. Ouais. C'est important. En fait, si vous brisez... Pénétrinité. Si vous brisez ça, ben, c'est un sacrilège, donc ça porte malheur. Ben, certain. Pourquoi faut pas ouvrir un parapluie? Vas-y. Je voulais dire à Mathieu de surtout pas écrire sa joke. J'ai des gros yeux, là. Ouais. Ah, c'est bon. J'ai regardé le crayon, puis si jamais il écrit ça. Donc, pourquoi faut pas ouvrir un parapluie dans une maison? Ça attire le tonnerre. Ben, ça parce attire pleut aussi. Pas en dedans. C'est parce que ça veut dire qu'il faut que tu refasses ton toit. Ça attire le malheur, mais en fait, c'est que ça a une origine historique aussi. C'est que quand les premiers parapluies ont été inventés dans la ville de Londres, parce qu'il pleut beaucoup en Angleterre, les mécanismes étaient particulièrement violents et rapides. Puis, il y avait souvent des gens qui étaient blessés quand le parapluie s'ouvrait ou des objets brisés. Ben, c'est pas drôle. Donc, ils ont lancé la rumeur que si tu ouvres un parapluie dans une maison, tu vas être maudit. Donc, c'est de là que ça vient. C'est intéressant! Ouais, quand les annonces de CSST là, avec le parapluie, on sait jamais quand tu peux recevoir un parapluie dans le bras. Claude Legault qui se poigne d'un parapluie. Aïe, aïe, aïe. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas des petits bouts de bois là, sur les pointes de métal là, des parapluies. Là. Mais les gens se faisaient empaler là-dessus. Des quenouilles de perdu. Yeah. Échapper un couteau. La visite de... Un homme, puis une fourchette. Une chance sur deux. Une femme, voilà. La cuillère, c'est un homme. Un argent. Il n'y a rien là-dessus. Par contre, si une femme enceinte échappe des ciseaux, ça veut dire qu'elle va accoucher d'une fille. Si elle échappe n'importe quoi d'autre, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que c'est un gars. Ça veut dire qu'elle est maladroite. Quand quelqu'un vient d'acheter une nouvelle maison, ou vous-même, ou un appart, ou quoi que ce soit, la coutume veut qu'on rentre dans cette nouvelle demeure par le pied droit en premier pour attirer le bonheur dans la demeure. OK, puis admettons qu'il est trop tard, on peut-tu... C'est ça. Mettons que, dis-toi que tu l'as fait. On peut-tu fourrer dans chaque pièce à la place? Plus simple, ça. Pour baptiser repasser chacune des pièces. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Mm-hmm. Guérir la morsure d'un chien, il faut manger un de ses poils. Un chien ou ses poils à nous? Un des poils du chien. OK. Essaye donc de pogner ça, ce chien-là, tu sais. Déjà qu'il vient de te faire mal. Ouais, c'est ça. Ben, si c'est ton chien, mettons, tu sais, on sait jamais. T'as le droit. Des plans pour avoir une autre morsure. C'est ça. Faudrait supposément pas balayer ou se couper les ongles après 18 heures. Franchement, c'est une superstition. Hein? Sinon, ça fait entrer les âmes des morts dans la maison. Donc, faites un cercle de sel. Qui se coupe les ongles au déjeuner? Moi, je me coupe les ongles après ma douche le matin. Ouais. Par-dessus la toilette. Mais c'est mieux de faire ça après la douche, tes ongles sont C'est important. Par-dessus la toilette. Enregistrez ça, chers auditeurs. C'est très désagréable de marcher sur un petit gring-gring d'ongles. C'est encore plus désagréable de marcher sur un Lego. C'est tellement vrai. Que je vous partage. Je suis tellement fan d'une page Facebook qui dit de déjà marcher sur un Lego, ça fait mal. Ah boy. En tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Faudrait pas porter une robe de mariage lors d'une fête, mettons, à l'Halloween, parce que ça veut dire que vous marierez jamais un zombie. Mais si vous voulez pas vous marier, c'est pas grave. Ma belle-sœur, elle s'est déguisée en zombie mariée, fait que ça ne marchera jamais. Tu nous en donneras des nouvelles. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, moi et Mathieu, on se déguise en femme mariée? Ouais. Ça veut-tu dire qu'on va jamais être mariés, ensemble? Ouais, C'est ça! Je sais pas. C'est une question comme ça. C'est raté, on le fera pas. Parfait. Okay. Écris-le pas non plus. Non. Toujours dans le mariage, hein, pourquoi la superstition de quelque chose de neuf, de vieux, d'emprunté, de bleu? Hein, donc, vous savez ça? Non. Oui, ça, je connais le rituel, mais je sais pas pourquoi. Les mariés, ça au Québec? En fait, ça? Oui, y en a certains qui le font, puis d'autres qui le font pas. C'est très américain. Ça doit venir des films américains qu'on fait cette tradition-là. Ça date du Moyen Âge. Ouais, je sais pas. Non, j'ai jamais entendu parler d'eux. Ah, ben oui. Ben, quelque chose de neuf, c'est pour attirer la chance. Quelque chose de vieux, c'est pour rappeler à la mariée sa vie d'avant. Quelque chose d'emprunté pour marquer la confiance et l'amitié, mais pourquoi pas l'amour? Mais bon, l'amitié, l'amour, souvent, bon, à suivre. et quelque chose de bleu pour garantir la fidélité. Ah ben oui. Entre époux. Donc voilà. Samouraï! Samouraï, donc là, c'est assez violent, hein, tout ce qui a trait aux samouraïs. Donc, ils sont recrutés très jeunes, hein, les fils de samouraïs. Donc ça, c'est de père en fils. Puis, ils sont soumis à une discipline très stricte. Donc, caresses maternelles et élan affectueux sont complètement éliminés dès la plus tendre enfance. Tous les plaisirs, tout ce qui est du confort et tout ça, c'est proscrit. Sauf en cas de maladie. En cas de maladie, tu souhaites d'être malade toute ta vie pour avoir du confort. Il faut qu'il soit impassible. Ben, en fait, il fallait qu'il soit impassible. Les samouraïs, sauf dans l'intimité de la maison. Donc, ils pouvaient exprimer plus leurs sentiments, mais autant que possible, il fallait être impassible, surtout devant le sang, hein, donc à la vue du sang, parce que c'est des guerriers, les samouraïs. Donc, pour ça, on les forçait à assister à des exécutions où on les observait pour qu'ils ne montrent aucune émotion. Puis rendus chez eux pour être sûr que tous les sentiments d'horreur étaient réprimés, là, même les sentiments secrets. On leur faisait manger du riz coloré en rouge. Ouais. Ça me fait penser à un souper presque parfait. Le monsieur qui a coloré en son bleu. Riz en bleu. En bleu. C'est pour la fidélité. Ah, ça doit être ça. Puis on leur faisait faire des épreuves assez plates comme... ben pas plates, là, mais pénibles. Donc, par exemple, à minuit, sur le lieu d'un supplice, on les faisait retourner là pour couper la tête du supplicié. Fallait pas qu'il coupe les ongles. Non. Il est passé 18 heures. pour pas avoir peur des morts, puis il devait pas non plus avoir peur des vivants. Hein, donc, très important. Leur seule source de distraction sont les exercices de guerre, les exercices physiques. En hiver, par exemple, s'il y avait froid aux mains, parce qu'ils devaient écrire dehors à la plume, là, donc plusieurs choses, s'il y avait froid aux mains, on les forçait à plonger dans l'eau glacée pour établir la circulation. Et si le gel engourdissait leurs pieds, ils devaient courir dans la neige. Ah. Tu sais, pourquoi pas? Empiré, hein? Je serais tellement pas une bonne samouraï. Je fais trop pour ça. Je pleure de force de l'homme. Puis à l'adolescence, ben là, tranquillement, la surveillance se relâche, puis... là, on se fie sur leur propre jugement parce qu'on est sûr qu'il se pardonnera pas lui-même la moindre erreur puis que c'est pire encore de se repentir toute sa vie que d'avoir un reproche. Donc, samouraï, assez intense. Les sumo, hein, dans le même ordre d'idée. La lutte sumo, en fait. Même bruit. Même chose. Donc, sumo professionnel uniquement pratiqué par les femmes, malgré qu'il y a des sumo femmes aux États-Unis. Quand même. C'est pas ça. Non, non plus. Comment qu'on appelle un lutteur sumo? Attends un peu, ça. Ouais. Amen. Amen. Oh. Tu l'appelles monsieur, je pense. Monsieur. Puis tu le vois. Mamamoto. Mamamoto. Un rikishi. Un rikishi. Donc, personne instruite. C'est tellement mignon. Oui. Ouais, trop cute. Rikishi, tu flattes ton rikishi. Oui, c'est ça. Oh, faut que je donne à manger à mon rikishi. C'est Tamagotchi. Oui. Ça ressemble. Personne instruite dans le domaine de la force ou encore un haut sumo-san, donc Monsieur Sumo, ouais. Pour une marque de respect. Nous, on les appelle plutôt des sumo-tori, donc dans notre culture occidentale. On va être tout le temps en Occident, rien. Mais c'est des rikishi. Donc, ils sont vêtus du mawashi. Donc, la bande de tissu, là, ouais, qui fait le gros string. Les depends de sumo. Là. Qui peut mesurer jusqu'à 14 mètres, hein, dépendamment de la grosseur du sumo. Et ils sont coiffés selon le style chan mage, donc les cheveux lissés avec de l'huile, qui sont maintenus par un chignon. Puis quand la carrière du sumo est terminée, ben là, il y a un gros rituel où ils coupent ses cheveux parce qu'ils gardent des cheveux très, très longs. Il n'y a pas de catégorie de poids. Les meilleurs sumo dans les meilleures divisions peuvent peser jusqu'à 150 kg, donc près de 300 livres. Ce serait le poids idéal pour assurer à la fois stabilité et souplesse. Souplesse. Bon, on repassera. Donc, voilà la première partie de la chronique sur la lettre H. Que nous réserves-tu de bon en musique aujourd'hui? Je te réserve la position numéro 7 qui monte d'une place. On s'en va entendre. With Her Shadow de Bournemouth Reference. Riffin! Riffin! Là, la pochette est quelle couleur, elle? Ben, un peu la même couleur! Oui, je sais! Hey, un genre ça, de saumon! C'est incroyable! Silhouette, oh, silhouette, oh! Thinking of a shadow. Silhouette, oh, silhouette. as a child. See real people gon' be locked inside it. She needs the sun. C'était Born Ruffians et la pièce Wither Shadow, position numéro 7 du côté anglophone. Toujours dans la chronique, le Véronictionnaire avec Véronique Mire. Le nouveau nom là, va coller, va finir par coller. Hein? Ben, avec la chaleur qu'il fait, tout est collant. Il n'y a pas le choix. On va sélectionner ça. Ouais. Épuisant. Il n'y a pas d'enclim sur la plage au resort de Sifu, apparemment. Non. Puis c'est pas une journée venteuse. Non. J'irais me baigner, moi. Ah, moi aussi. Faudrait allons-y. Vous louer une petite fan en permanence, ça serait ouais. Pas pire. Oui, une ben, fan de ménage. En été. Une fan de ménage. Fan de ménage, je suis pas fan de ménage, moi. Non! Continuons avec oui. Sherlock Holmes. C'est la lettre S. Oui, la lettre S aujourd'hui. Donc, Sherlock Holmes, un personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle dans le roman policier Une étude en rouge en 1887. Hein, le nom du roman n'était pas Sherlock Holmes? Et non! Eh ben. Une étude en rouge. Puis, ben, son fidèle compagnon. Watson. Oui. Élémentaire. Le docteur Watson. Puis en fait, le fameux élémentaire, mon cher Watson, ne vient pas de Doyle. Il vient des films, donc adaptation cinématographique. Pour vrai? Ouais. Ben là, il est quand même utilisé par la suite, mais ce n'est pas lui qui l'a créé. Donc c'est l'archétype ou l'archétype, l'archétype. Archétype. L'archétype du private detective hein, par excellence. Puis la BBC a fait un sondage en 1959 qui a montré que 59% des Britanniques croyaient que Sherlock Holmes avait réellement existé. Basé sur une histoire vécue. Ouais. Mais non. Mais non. Sottise. Baliverne. Foutaise. Donc, il aurait dû s'appeler à la base Sharon Ford. Sherlock, c'est tellement mieux, hein? Ah, c'est quand... badass. Badass. C'est le personnage le plus repris à l'écrit. Le Guinness Book of Moves recensait 204 adaptations cinématographiques des Sherlock Holmes. Donc, un des personnages les plus utilisés de l'histoire du cinéma. Impressionnant. Oh, souris versus éléphant. Ah oui, les éléphants n'aiment pas les souris. Oui, c'est pas vrai. C'est vrai, ça? Moi, je pense que c'est pas vrai. Qui croit que c'est vrai? Juste vrai. Qu'est-ce que t'en dis, toi? J'en dis, là, c'est ça. J'en dis, ouais. La jambe. J'en dis, là. J'en dis. La souris et l'éléphant, à ton avis, sont-ils des ennemis jurés? Ou... Hey, tu sais quoi? J'ai pensé l'autre jour à ça. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Parce que j'avais peur des bébites dans ma maison. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est bon, ça. Non, mais j'ai des phobies. Je m'en débarrasse, il y en a presque plus. Mais non, sérieux, moi, je pense qu'il y a comme une... faut nécessairement, quelque part, qu'il y ait une peur fondée. Là. Moi, j'ai eu ça vient peur pas de nulle part. Non, ça vient pas de nulle part. C'est, je pense que quelque part, il y a une souris qui a fait un mauvais coup à un éléphant. Ça il a crié dans une caverne qui sonnait comme un gros mammouth. Ça a bouché sa trompe. Il s'est étouffé. Puis toi, Duby, t'en penses quoi? Moi, je dis que c'est... Allons-y pour le vrai. Ouais. Hein? Soyons fantastiques. Ah, donc, Stéphanie, t'as raison. Ah, c'est faux. C'est un mythe. Ah, yeah! On était sûrs dans ta femme. Il n'y a pas eu la trompe bouchée. Basé sur des fausses idées, comme par exemple le fait que les gens pensaient que la souris pouvait rentrer dans la trompe. Ah! Et donc, c'était pas des niaiseries de n'importe quoi. Mais l'éléphant a un... Hein? Ouais. L'éléphant a un souffle assez fort, donc il pourrait vraiment facilement expulser la souris si elle doit être malade dans comme un manège. Le souris. Elle est rendue là, à l'autre bout. Si la souris, on pensait aussi que si la souris rentrait dans l'oreille de l'éléphant, ben il mourrait automatiquement. C'est inéluctable. Donc les souris là, méchante souris. Méchant talon d'Achille. Ouais. Oh. Il est mort de quoi? Oh, souris dans l'oreille. Je t'entends pas, j'ai une souris dans l'oreille. Ouais. Ou encore, s'il rentrait dans son oreille ou dans sa trompe, il pouvait manger son cerveau. Oh. Of course. Yeah. Méchante souris. Physiologiquement possible. Oui. Puis ben la colonie de fourmis aussi pouvait rentrer aussi peut-être dans la trompe de l'éléphant. Ça va faire peur à Justine. Ben, elle n'a pas que... d'éléphant, je suis... Non, mais les fourmis, c'est moi l'éléphant. Non, ben, des trompes de Fallope. Elles sont... Oh, hey, non, je veux pas que ça rentre là, moi. Maudit Fallope. Ben, puis aussi, c'est que c'était comique, hein. On a vu ça dans Dumbo, là, la souris qui a fait peur à l'éléphant. Donc, on a gardé ce mythe-là parce qu'on trouvait ça comique. C'est cute. Mais ils ont fait des tests. Ils ont placé des souris dans des enclos d'éléphants. Plus les éléphants étaient curieux ou indifférents. J'ai une bibitte d'en face, comme voilà. En temps réel. Attention. Attaque, attaque. Puis, ben, c'est aussi que ça vient du David versus Goliath version animal. Oh. Hein, donc, le géant qui a peur de la petite affaire. Exact. Oh, des pierres dans ses roches. Par contre, les éléphants ont peur des abeilles. Ah! Il y a des études qui ont des réactions. Si on n'a pas leur épipène. Peut-être. Mais ouais, une épipène pourrait. Il y a des oreilles toutes gonflées. Oui! Puis là, ils ne volent plus. Dommage. Ah. Le soutien-gorge. Soutien-gorge. Pourquoi pas? Dans le temps de la Grèce antique, les hommes avaient un penchant pour les beautés androgynes, donc dépourvues de poitrine. Hein, donc, les femmes se bandaient. Les seins d'étoffe, qui s'appelaient des mastodétons, mais non, des mastototons, des masquitois et des totons, ou des apodesmes, puis ça a resté jusque dans le temps des Romains. Le corset est apparu à la Renaissance, mais là, c'est une féministe française qui s'appelle Herminie Cadol, qui s'est tannée des corsets qui étouffaient, qui étaient trop serrés, qui brisaient aussi. Donc, en 1879, elle a inventé le corselet-gorge. Son modèle s'appelait le bien-être. Le bien-être. Le bien-être. Puis les Américains, bon, l'ont breveté et commercialisé, bien entendu. Les Américains s'emparent de tout. Le shampoing. Ah, j'aime ça, ça! Shampoing! Jusqu'aux alentours de 1770, c'était seulement que des professionnels qui nous shampouinaient la tête. Les gens ne se shampouinaient pas. Ce n'était pas la mode. Wow! Les premières bouteilles de shampoing ont été inventées dans ces mêmes années-là à Londres. Donc, Londres parapluie et shampoing. Donc, ils ont inventé pas mal d'affaires. Mais c'était pas populaire et franchement dégueulasse parce que c'était du savon bouilli très alcalin qui laissait un dépôt blanchâtre sur les cheveux. Fallait se rincer avec du vinaigre, sinon la chevelure devenait terne, rebelle. Les poussières collaient dedans. Puis il devenait poisseux, mais impossible ça à démêler. Ça servait à quoi de se shampooiner? C'était un mauvais mix, finalement. Ah. Mais il fallait les rincer avec du vinaigre, puis là, c'était correct. Mais ta tête sentait les chips. C'est l'ancêtre des dreads, finalement. Ouais, peut-être bien. Ben, c'est le patron de L'Oréal, en 1930, qui a créé les bons shampoings tels qu'on les connaît aujourd'hui. Sucre et excitation des enfants... Mm-hmm. Si on donne du sucre aux enfants, est-ce que c'est vrai qu'ils sont non, débiles, là? Non, c'est pas vrai. Moi, ça, on avait parlé dans C'est un fait. Ah ouais? Moi. Puis qu'est-ce que vous avez appris à ce sujet? Ils sont déjà débiles! C'était psychologique, c'était l'excitation d'avoir quelque chose que t'as pas l'habitude. Oui, c'est les circonstances qui excitent les enfants plutôt. Par contre, c'est vrai que le chocolat excite les enfants parce qu'il y a de la caféine. Mais ça excite tout le monde. Dans le chocolat. Ben, pas juste les enfants. Moi, non. Non? Ben, le café, moi, ça... Comme le café, il y en a qui ne stressent pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus le chocolat qu'elle stresse. Le sucre. Qu'elle stresse, le sucre. Moi, ça me met juste... Manger du chocolat, ça me met juste normal. Bon. Super. Pas de chocolat, je suis plate. Ils ont inventé du chocolat. Un nouveau chocolat, hein, entre le blanc et le lait, là. Récemment, il faudrait faire des recherches. Entre le blanc et le chocolat au lait? Oui, une autre couleur de chocolat. Caramel, je pense, quelque chose comme ça. Oui, ça me paraît que c'est vraiment bon. Sudoku. Oh. Mal prononcé, hein? Sudoku. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Sudoku. Merci beaucoup. Merci. Donc, il faut dire sudoku. C'est tout ce que je voulais dire sur le sudoku. Et que c'est dur. En tabarnouche. Vocabulaire, en bref. Je suis prêt. Un sagouin. Ah, c'est une sagouine, non? Non, la sagouine. Oui, la sagouine. Personne grossière ou sale. Ou encore une sorte de singe. comment qu'on appelle un membre d'une secte? Sectophile. Sectophile, ça, c'est quelqu'un qui aime les sectes. Ah, oh, excuse. T'as raison. Un sans-de-... Un sect-symbole. Un insecticide. Un sect-symbole. Elle écrit dans la... Sect-symbole, c'est bon, ça? Un sect-symbole. Qui aurait cru? En fait, c'est un sectateur. Ah, moi, j'aurais dit un naïf. Un naïf. Si vous sentez un bon parfum, une odeur agréable, c'est une senteur. Et non une odeur. OK. Senteur. Bon parfum. Ouais, parce qu'odeur, c'est péjoratif, hein? Ou puanteur. Odeur, c'est pas juste général? Odeur, c'est général. Ouais. Ah, odeur, c'est général. Puanteur, bon parfum, ça pue. Odeur agréable. Senteur, ça sent bon. Senteur. Ouais. Quelqu'un qui est toujours pessimiste, là, puis ou Comment qu'on appelle ça? C'est un nom. Quelqu'un qui est toujours pessimiste. Ouais. Par rapport à quelqu'un de plate, là. Je sais pas. Downer. En fait, cette personne-là souffre de sinistrose. Oh! Sinistrose, donc. Soit quelqu'un qui est toujours pessimiste, ou encore c'est la conduite pathologique de quelqu'un qui, après une maladie ou un accident, refuse de reconnaître sa guérison. Ah, comme Penelope McQuaid. Ben, qui était donc bien downer pendant l'année après qu'elle se soit faite projeter à l'extérieur de son auto parce qu'elle voulait changer la chanson sur son iPod tombé à terre. C'est à 40. Wow. C'était sur 40. En tout cas, c'était... Elle avait une drôle d'attitude pendant cette année-là. Là, comme genre, la vie est pas belle. Madame. Mais Sinistrose, je me rappelle si c'est ce qui a inspiré le nom de Sinistros, animateur, le co-animateur de réanimation. Il m'a rendu soir à 19h sur les ondes de C'est fou. Ah. Oui, et c'est aussi un truc dans Harry Potter, hein? Sinistro. Donc, SMS, Short Message Service. Oui. En français, on devrait dire un mini-message. Oh! Oh! Jamais de la vie. C'est tellement cute. Mini-message. Je t'ai envoyé un mini-message. Oui, et s'il y a une photo dedans, c'est un photo mini-message? Ah, ouais. Ah, c'est peut-être la photo de la pochette de l'album de tout à l'heure. C'est quoi un sinciput? Je pense que ça le prononce très mal, mais bon. Une prostituée à saveur de cannelle. Cinnamon toast. Oui. Peut-être sinciput. Je sais pas. En tout cas, c'est la partie supérieure de la tête. Donc, le dessus de la tête, c'est sinciput. Oui. Solifié. Okay, comme l'occiput, puis le... Oui, ça, c'est un autre os. Baba antiput. Ouais. Solifié, c'est un verbe. Ça veut dire chanter un morceau de musique en nommant les notes. Genre do, ré, mi, fa, sol, là. Ouais. Non, ça, faut être calé en musique, là. Vraiment. Donc, solifié. SOS. Ça veut dire « Save our souls ». Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et pour terminer, on termine avec le sommeil. Oh. Donc, des petits conseils pour bien dormir. Donc, avant de dormir, quelques heures avant de dormir, il faut éviter le café, la nicotine, ben oui. Parce que ça stimule le système nerveux central. J'ai pris un café à 9h hier, je me suis couché à 2h du matin. Yeah. Oui, ouais. Don't do that. Ou l'exercice intense aussi, parce que ça fait que votre corps va être chaud. Donc, quand notre corps est chaud, ben il est réveillé. Là, on s'entend, hein? On peut être chaud de manière. Donc, il va se refroidir moins rapidement. Donc, quand notre corps se refroidit, on s'endort plus rapidement. Évitez aussi l'alcool. Il y en a beaucoup qui vont boire un petit verre pour s'endormir le soir. Ben ça peut faire, oui, que vous allez vous endormir rapidement. Par contre, vous allez vous réveiller à coup sûr la nuit. Ça déstabilise le corps. Donc, c'est sûr que vous allez vous réveiller. C'est déstabilisant. Ça donne envie de pipi. Oui, moi, je trouve. Ça donne envie de pipi. Ça va avec, c'est ça. Repas copieux ou collation nocturne. Il y en a qui servent la nuit. J'ai faim. Ils mangent. Faut éviter ça, hein, ben, parce que c'est sûr, la digestion fait en sorte qu'on dort mal. Par contre, vous pourriez prendre une légère collation avant de vous endormir pour vous éviter de vous lever la nuit et d'avoir envie de manger des biscuits soda. Un sac de chips et une barre et demie de caramel, c'est une petite collation? Moi, j'ai déjà mangé des chips au ketchup à 3h du matin. Je me suis réveillée plus capable, j'avais le goût de chips au ketchup. Voilà. Hier, moi et Mathieu, on a mangé la même affaire. C'était un repas copieux. Copieux! Copieux-collé! Oui! Copieux-collé! Copieux-collé! Ah non, non, note la mienne, là! C'était quoi, tu? Inope? Non, laisse faire. Je perds espoir. Évitez aussi la lumière comme la TV ou l'ordinateur parce que ça supprime la sécrétion de mélatonine. Hey, là, donc, tu m'empêches de vivre, l'hormone du sommeil. Oui, Mathieu, tout ce qu'il fait, ouais, t'es pas ça, ma mère. C'est une heure avant le sommeil. Là. Mais pour, on fait quoi la dernière heure? Attendez un peu, on y arrive. Évitez aussi, il y a beaucoup de couples où des fois, on arrive dans notre lit le soir puis là, on pense à nos problèmes, on résout des problèmes. Évitez ça parce que là, le petit hamster s'emballe. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Donc, se détendre, lire, écouter de la musique. Mais pas dans son lit. Hein? Beaucoup de gens font ça parce que, en fait, le but, là, c'est que quand t'es dans ton lit, tu t'endormes le plus rapidement possible. Donc, si tu lis ou que t'écoutes de la musique avant de te coucher, ben là, ton corps n'associe, ou ton cerveau plutôt, n'associe pas ton lit avec ton lieu pour dormir. Mm-hmm. Ou pour faire l'amour aussi, j'ai lu oui, ça. Il faut pas lire dans le lit parce que sinon, t'as juste envie de lire et non pas jouer aux pigeons sous les draps. Ah! Oh. Ben, non, c'est je suis en accord avec ce qu'elle dit. Mmh. Mais je sais pas, me semble lire dans son lit, c'est merveilleux. Non. Quand t'as le goût de dormir, tu vas juste fermer ton lit, tu fermes tes yeux. Si tu lis ailleurs, là, il faut que tu te lèves, puis là, déjà, t'as comme plus le goût de dormir. Moi, mais ça fait que, justement, quand t'arrives dans ton lit, puisque t'es proche de t'endormir, tu tombes endormi. Donc, ton lit va vraiment devenir un lieu de sommeil. Bon. Mais tu sais, pour moi, je trouve ça je trouve pas ça nécessaire parce que moi, quand je m'accote la tête sur l'oreiller, je pars. Ouais. Je m'accote la tête n'importe où, je peux partir. Ben ça dépend des gens. Si vous avez des problèmes de sommeil, tu sais, ou pas, ça dépend des périodes aussi. On recommande aussi d'avoir une bonne routine avant de se coucher, comme mettre son pyjama, brosser ses dents et s'étirer et bailler une demi-heure, une heure avant de se coucher. Ça induit le sommeil. C'est bien compliqué. Faire de l'exercice léger, soit en fin d'après-midi, début de soirée, ou prendre un bain, parce que ça, ça réchauffe votre corps, puis après, il se refroidit, donc vous tombez endormi. C'est bon. OK. On peut prendre certains de ces facteurs-là et essayer. Mathieu, pas d'exercice. D'exorcisme, non. Pas d'exorcisme, Mathieu. On te dit, c'est non. Puis finalement, mettons que vous vous couchez, le sommeil n'arrive pas, ou pendant la nuit, vous réveillez, ça revient pas après 30 minutes. Faut se lever, faut faire autre chose, quelque chose de plate. Puis retournez vous coucher quand vous sentez que les signes du sommeil, comme par exemple les yeux qui ferment seuls ou les frissons, là, ça, c'est un signe que vous vous endormez. Ça, j'ai ça. Les frissons de sommeil, pour vrai, j'ai tout le temps ça, toujours. Moi ce que j'ai entendu, c'est que quand t'es vraiment sur le bord de tomber endormi, mettons, t'es en train de lire ton livre, t'es sur le bord de tomber endormi, il faut que t'ailles te coucher tout de suite. Oui, parce qu'après ça, ça prend une heure pour revenir à ce cycle-là. Ben, le temps, je pourrais pas te dire, mais ça, c'est vrai. Par contre, aussitôt que vous sentez que vous avez besoin de dormir, faut aller vous coucher. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben là, il y a ben trop de bonheur. Oui. Je me couche pas avant 10 heures. Évitez ça. Puis l'heure du coucher peut varier, il n'y a pas de problème. Ça dérange pas. Mais l'heure du lever, elle, autant que possible, il faut qu'elle soit fixe, même la fin de semaine. Ça, c'est le bout le plus difficile. Le week-end, se lever à 6 heures. Pas toujours facile, mais ça donne une bonne routine de sommeil. Donc ça, c'est des conseils pour les gens qui ont surtout des problèmes de sommeil. Très bon conseil, d'ailleurs. Moi, j'ai un conseil pour le sommeil. Ouais. Aller à un CA de l'AGE dure jusqu'à 3 heures du matin. Toujours efficace. Il y en a tout le temps, toutes les semaines. Regarde. Mais vous avez le droit, le lit, donc associé à deux choses. La sieste. Et le sexe. Voilà. SS. Comme le SS requis qu'on a dû faire couler l'année passée. On a plus notre bateau, le SS requis. Vous vous rappelez le SS requis l'année passée? Non, personne n'était là. OK. J'étais seul avec Justine l'année passée, moi. Les autres sont arrivés par après. C'est vrai? Comme des mouettes. Les seuls restants l'année passée. Des mouettes. C'est tout, Véronique, merci. C'est tout. Ça me fait plaisir. Oh, c'était le fun. Mais ça, la semaine prochaine, ce sera évidemment la lettre R. Oui, R comme... Ribambelle. Le film. Rhododendron. Rihanna. Réverbère. Rock'n'roll. Ratissé. Radisson. Radis. Rome des femmes de bière, nom de Dieu. Rabouté. C'est assez. Merci, Véronique, à la semaine prochaine pour les R. Oui. Pour l'instant, on se revoit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. On est rendu à la position numéro 6 du côté anglophone, toujours. Et ça monte de 4 places. C'est Entertainment de Phoenix. Fancy, ça? Tricolore. Ça commence par R, c'est correct. From this day on, why? Retour, Justine procrastine. Oh yes. Que oui, que yeah, que yeah, yeah, yeah, yeah. Que oui, que si, si. Check. C'est tout, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Toujours ensemble, je requis à la plage avec Jean-Philippe Chablot. Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Oui. Et Justine Renaud est toujours là je aussi. Je suis désolée pour ce fou rire. C'est juste qu'un de mes professeurs vient de liker, c'est-à-dire aimer, un de mes commentaires sur Facebook. Et on n'est même pas amis Facebook. Mais comment il a piraté Facebook? J'ai eu à peu près 2 cours avec ce monsieur-là. T'as eu un hacker qui est venu liker tes enfants? Un liker. Lakers, les joueurs de basket, là? Oui, là, des joueurs de basket, là. Et voilà. Lakers, de où est-ce que ça vient, ça, des Lakers? D'un lac, là, quelconque. Je sais pas, mais me semble son jaune et mauve. Oui, son jaune et mauve. Hey, t'es donc bien bleu. Tape dans la main féminine. Aïe, aïe, c'est ça sent là, l'estrogène, là, par la gauche du studio et l'humidité vers la fenêtre. C'est quoi, Sean Swin? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? On va essayer de rééquilibrer le niveau de pH de l'estrogène et de tout ça. Avec ma chronique. Avec ta chronique, voici Justine Procrastine. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm standing in bed today. And it doesn't matter what the athletes say to me. Or do not care just what the athletes say to me. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Juste avant ma chronique, on avait la chronique de Véronique qui était dans les lettres S et on avait des trucs pour le sommeil dont mon intro n'en fait pas partie. Écoutez pas ça si vous voulez dormir. Ben non, c'est bien trop enjoué. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, je voulais m'excuser de mon léger retard parce que j'ai été retardée par les rouages bureaucratiques de l'UQTR et c'était pas par des motifs de procrastination. C'est pas de la faute à Véronique qui est dans l'engrenage de la bureaucratie. Ça n'a aucun rapport avec Véronique, okay. Ça a rapport avec ma stagiaire postdoctorale tchèque. C-Z-E-C-H. Vérification en français. Vérification. Ça s'appelle check. En français, ça s'appelle vérification. Ou fait. Un, deux, check. Fait. Crochet. Fait. Crochet. Check comme on un chèque. On étudiait crochet. Oui. Chèque. Bref, alors cette semaine, par contre, j'ai procrastiné au garage beaucoup, beaucoup en essayant de sauver la vie de ma tercelle 96 bleu marine avec un petit peu de rouille. Et beaucoup d'acariens. Beaucoup d'acariens. Ah, beaucoup, beaucoup d'acariens. Ben ça, c'est présumé, on le sait pas, c'est des présumés acariens. Ça peut être bien d'autres parasites. Non coupable jusqu'à ce que prouvé coupable, selon la cour. Hors de tout doute. Hors de tout doute. Donc, ça fait 3 semaines et une heure environ. Exactement, qu'on s'est pas vu. Oui. On s'est pas vu, ça faisait longtemps. Je peux pas blâmer ça sur autre chose que des problèmes de yeux, des problèmes de... Sarah va mieux? Oui, ben, mais Sarah, elle est pas mal. C'est juste qu'elle s'est fait opérer les yeux par un médecin qui opère des yeux. Par un yeux-logue. Un yeux-logue. Un yeux-logue. Puis, c'est ça. Et maintenant, elle voit les feuilles dans les arbres. Ça, c'est son témoignage. Même ceux qui n'ont pas de feuilles, elle voit les feuilles partout. Elle voit des feuilles dans les arbres des pins. Oui, c'est ça. C'est un conifère. Oui, c'est ça. C'est ça. Parle pas de sa blonde de même. Oh, tu conifère! C'est une bonne insulte. Jennifer, c'est une conifère. Oui. Ouais. Je sais pas c'est qui Jennifer, mais bonjour Jennifer. On a essayé d'y passer un sapin. Sapino! Sortez Marcel Leboeuf de ce corps. Oh, s'il vous plaît. On ne parlera pas des petits colliers avec des petits bouts de boue. Bon, on va commencer tout d'abord en parlant de Violent Femmes, un groupe que j'adore énormément, que c'est ma maman qui m'a fait découvrir ça quand j'étais beaucoup trop jeune, encore une fois, parce que c'est un groupe légèrement violent, là. Un band de folk trash rock alternatif folk. C'est tellement trash qu'il y a 2 fois folk. C'est ça, j'allais dire. C'est ça que tu l'as dit 2 fois folk. Un groupe folk de folk. Folk trash rock alternative folk. Il y a du Milwaukee au Wisconsin. Le Wisconsin, c'est où? C'est aux États-Unis, le Wisconsin. Les fondateurs du band sont le bassiste Brian Ritchie et le percussionniste Victor DeLorenzo. Un excellent percussionniste. Il aime bien ça, travailler avec les petites brosses. Là. petit look jazz un peu, là, mais c'est écœurant. C'est vraiment très, très bon. Et ces deux hommes-là, dans les derniers souffles de la vague américaine punk rock, se sont réunis pour faire de la musique viscérale. Et vous allez voir, c'est très, très viscéral. Okay. J'aime bien ça, dire ça avec beaucoup trop de R.O.L. Et finalement, ils ont recruté le chanteur, guitariste et compositeur Gordon Gano. C'est très important de recruter un compositeur. Sans ça, t'as pas de chanson. C'est pour eux. Hein? Et ils sont devenus The Violent Femmes. Et déjà très tôt, ils jouaient au coin des rues achalandées et dans les bars. Et d'ailleurs, James Honeyman Scott de The Pretenders les a découverts en 1981 sur le coin d'une rue où ils allaient faire une performance le soir même. Et Chrissy Hynde, la chanteuse du groupe, les a invités à jouer un petit quelque chose après le band qui ouvrait pour leur spectacle le soir même. C'est vraiment une belle faveur qu'ils ont fait pour eux. En 1983, ils ont sorti leur premier album, Violent Femmes, qui est à ce jour toujours l'album qui s'est le mieux vendu. Et d'après moi, c'est vraiment le meilleur album qu'ils ont écrit à ce jour. Leur deuxième album, plus country, du titre de Hallowed Ground, aussi très bon, est paru en 1984, suivi de The Blind Leading the Naked en 1986, qui a été produit par nul autre que Jerry Harrison de The Talking Heads. Et cet album est d'ailleurs le plus mainstream à ce jour. Personnellement, moi, j'aime moins ça. Okay. Je trouve que c'est un petit peu moins viscéral. Ça perd un peu l'objectif du groupe, qui est de déranger. À ce point, le band s'est séparé, malheureusement. Gano et Richie se sont lancés dans une carrière solo, laissant DiLorenzo à tapocher sur ses tambours tout seul. Mais seulement 2 ans plus tard, ils se sont repartis, leur band se sont repartis. Ouais, je ne sais pas si c'est un verbe pronominal ou essentiellement pronomichose, mais ils ont reparti le band avec 2-3 petits coups de... Tu sais, quand tu pars une tondeuse, ils ont craqué leur... ils ont recrinqué leur carrière. Parce que lorsqu'ils se sont réunis, ils ont eu beaucoup plus de succès à ce moment. Ils ont ensuite lancé leur 5e album en carrière du titre de Three, qui est un album qui retourne aux sources, qui retourne à l'atmosphère viscérale initiale. Ensuite, Why Do Birds Sing fut lancé en 1991 et en 1993, le percussionniste DiLorenzo quitta le groupe pour une carrière solo. Il voulait faire goûter les autres à leur propre médecine. Et Guy Hoffman a pris sa place juste à temps pour la sortie de leur collection Added Up 1981-1993, qui fut un très gros vendeur après leur premier album Violent Femmes. Et pendant les 9 prochaines années, plus de 50 albums très moyens ont été lancés. Violent Femmes ont aussi écrit plusieurs chansons uniques pour des soundtracks de films tels que South Park, Bigger, Longer and Uncut et The Crow, ainsi qu'un cover, ça c'est très intéressant, un cover du thème de SpongeBob. Okay. De Bob l'éponge. Alors, ils ont fait une couverture de... En tout cas... On écoutera pas. Who lives in a pineapple under the sea? Je les imagine pas en train de chanter ça. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je dis ça. Ils sont un peu violents dans leurs paroles. Bob l'éponge et Violent Femmes, des femmes violentes et Bob l'éponge. En tout cas... ouf! Hein? Et ce genre de marketing de leur musique a aussi pris un mauvais tournant en 2007 lorsque Gano a vendu les droits de distribution de leur chanson Blister in the Sun, une chanson très, très populaire. Ils ont vendu cette chanson-là à la franchise de hamburger Wendy's. Mais moi aussi, ça n'a aucun rapport. Surtout que Blister in the Sun, c'est une chanson qui parle de la masturbation. Hein? Je ne vois pas où ce que Wendy's a rapport là-dedans. Ça doit être la petite sauce magique. La sauce du chef. Malgré que Gano a écrit presque toutes les chansons en solo comprenant Blister in the Sun, le bassiste Richie a émis une poursuite contre le chanteur. Et en 2009, le groupe s'est séparé des conséquences de ce désaccord. Plus récemment, ils se sont très, très, très brièvement rejoints en 2013 et on a pu voir Violent Femmes au Festival de musique Coachella en Californie. Et c'était vraiment un très bon show d'ailleurs. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui vient d'eux autres, là, parce que sérieux, leur dernière musique est pas très bonne. Mais on va quand même aller écouter une chanson que j'adore, Blister in the Sun, dont on parle. Alors, je vous laisse écouter les paroles et laisser votre imagination aller à Justine Procrastine. Big hands, I know you're the one. Body stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the might stop to check. When I'm out walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm out walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. I need someone, a person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough, it's just a habit. A kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. Do it all the time. They do it all the time. Do it all the time. They do it all the time. Do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten, ten for everything. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. a crying. Cause it's gone, daddy gone. Love is gone, yes it's gone. Daddy gone, love is gone. Gone, daddy gone. Love is gone, yes gone. Daddy gone, love is gone. Beautiful girl, lovely dress, 15 smiles, oh yes. Beautiful girl, lovely dress, but where she is now I can only guess. Cause it's gone, daddy gone. Sur ce magnifique solo de Glockenspiel, je sais pas c'est quoi. Mais oui, c'était Gone Daddy Gone avec le magnifique xylophone qui a mué, tu sais, un xylophone plus grave. Et avant ça, on a entendu Kiss Off et Blister in the Sun. Donc, on entend déjà des espèces de vapeurs. On entend des vapeurs. C'est tellement chaud. Là. On sent les vapeurs d'un espèce de rock folk alternatif, agressif, adolescent, nerd avec des boutons. C'est génial. C'est des jams qui se sont passés entre deux frustrations de genre j'ai pas de blonde puis je suis lette un peu. Là. J'adore. C'est écœurant. Puis c'est vraiment un niveau musical assez, assez impressionnant, à mon avis. Là. Oui. Faire des beaux solos de même. Là. Ben aussi impressionnant que Mme Justine, qui elle-même est une vraie air woman. Air xylophone. Xylophone. C'est bien la seule affaire que je sais faire dans la vie. Tu devrais animer de se basser de la table, Justine. Moi, c'est... Beaucoup de filles qui passent devant. Oh, sont-tu belles? Ben, OK. Donc, Justine, procrastine. C'est ça que tu regardais. La porte d'habitude est fermée. C'est ça. Donc, Justine procrastine toutes les semaines, à part quand t'es pas là. Toutes les semaines, à part quand il n'y a pas des opérations d'yeux ou j'ai pas des gros travaux à remettre. Exact. Mais donc, on te remercie. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Oui, un petit peu, oui. Un poquito. Parce que là, il y a pas mal, comme toute l'humidité de Trois-Rivières qui me perd. Dans le studio. Oui, j'ai jamais eu aussi mouillé. Ça fait bizarre, hein? Dimanche. Je me suis jamais autant mouillé. Non, j'ai jamais eu aussi mouillé. Ça va faire part à nos auditeurs. J'ai eu chaud, j'ai eu mouillé. OK. Juste mouillé. Mm-hmm. Non, mais tu sais, il fait pas si chaud que ça, là. Il fait vraiment mouillé. Il fait humide. Il fait trempe. Ah! Fait 30. 30 degrés, j'aime bien. Ouais, fait 30 degrés. 30 degrés à l'ombre. Wow! 30 degrés. Oh! Hey, on est bon! Degrés. C'est ça que ça fait des coups de chaleur. Hey, je plume des épaules. Okay. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire, Justine? Non, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Puis sérieux, allez écouter l'album Violent Femmes du groupe Violent Femmes parce qu'ils sont pas mal violents, j'adore ça. Je vais le faire parce que pour vrai, c'est vraiment très bon. Hein? Oh, j'ai vraiment trippé. Hein? Hein? Solide, malade. Hey, capote pas. Trop tard. Donc, on va partir un petit peu en pause. Ça va être la fin de cette heure-ci. On va être de retour après avec un choix de chronique que je vais vous laisser choisir. Est-ce qu'on se fait un genre de petit bout? Un petit genre de demi, c'est un fait, quelque chose comme ça? Oh, ouais! Oh, je pensais que tu parlais d'un bout comme le fantôme dans Mario. Bout? Oh! C'est que j'ai un bout sur mon chandail. Hein? C'est-tu un petit bout? Oui. Parce que sinon, il y a SXPS de répondre là. Et une nouvelle chronique qu'on appelle les instructions d'assemblage. Et ça, faut le faire. Ça, faut le faire. On peut commencer par ça. Oh ouais, on fait ça pour être sûr d'avoir le temps. C'est vrai. Parfait. Et le top 5 de notre palmarès anglophone. Tout ça avec Jean-Philippe, Stéphanie, Justine. Et moi-même. C'est ça. Et moi-même. Personne ne sait. C'est... Non, tout le monde dans les pubs, c'est avec moi. Okay. Ben oui. Qui toi, dude? Ben lui, c'est Mathieu Plante. Hey, hey! Toujours à Assemblage Requis à la plage, c'est la dernière heure avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Fougère. Hey! Plan. Fougère. Fougère. Fou et gère. Ce serait plus JP, ça, qui gère. fou. Gère, ouais. Ou gère. C'est vrai qu'il gère le fou, c'est fou. Il gère les fous, les employés, c'est fou. Justine Renaud qui est toujours aussi avec nous. Toujours aussi avec vous. Est-ce que tu répètes tout ce que je dis? Mes mots, t'as pas dans le bon ordre. Toujours avec nous aussi, ainsi que, tu sais. Toujours est-il que ça donne que genre. Fait qu'à moi. Je suis désolée. Bravo, on te pardonne. On est liquifié ici. J'ai comme plus ma tête. Tellement. C'est mais, nous autres ben, qui. On l'entend, là. C'était dans l'eau. C'est pas des vagues, c'est nous autres, là, qui. C'est moi qui fais des splouches de soir. C'est mes bras, exact. Ben, Justine, ça donne bien que tu sois là parce que tu vas pouvoir aider un petit peu avec notre chronique. Oh, c'est oui, tout je vais nouveau. Aider. Encore une nouvelle chronique, encore une affaire qu'on sait pas si ça va rester parce que j'essaie bien des affaires puis ça reste pas tout le temps, ça. Vous faites des nouvelles chroniques de manière chronique? Une fois de temps, ben, à peu près. À peu près, à peu près. Donc, on vous présente cette nouvelle chronique et elle a une intro déjà, donc ça veut dire que ça va au moins rester plus qu'une fois parce que quand je prends le temps de faire une intro, on s'entend, tu sais? Hein? Hein? Aussi bien. Et d'habitude, je prends des intros très, très longues, vous savez. Ça fait mon charme. Celle-ci, à la place, je l'ai faite bien bizarre. Oh! Donc voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Donc, c'est les instructions d'assemblage. Ah, c'est bon. Génial, hein? On aime ça? Ça me rappelait mon meuble Ikea. Ben, c'est tout le temps mal traduit. Donc, les instructions d'assemblage, qu'est-ce que c'est? C'est une chronique où je vous dis quoi faire dans la vie pour améliorer votre sort. Améliorer le sort de votre vie. C'est okay. Comme un genre de hack, la vie. Si on veut pas vrac la vie, la sitcom avec des adultes de 42 ans. Qui jouent des ados de 14 ans, c'est ça? Genre. C'est un peu comme si on faisait du A, B, C, A, A Z, Z, A, gauche, gauche. Start select. Vie. Exactement. Oui. C'est comme étape A, étape 2 et étape gamma. Voilà. Gentil. Donc, première instruction pour hacker votre vie, c'est de faire votre propre écran solaire, votre propre crème solaire avec de l'oxyde du zinc. Hein? Pourquoi pas? Donc, à la place d'acheter bouteille après bouteille d'écran solaire, pourquoi ne pas faire votre propre crème solaire? C'est le site Wonder How To qui a un bref guide sur comment faire sa crème solaire. L'ingrédient clé est le zinc oxide, qui apparemment est très facile à trouver. J'ai cherché, il y en a sur Amazon. Il y en a sûrement en pharmacie à certains endroits. Oxyde de zinc, qui est utilisé pour dans le fond, bloquer le spectrum UVA. Et la recette qu'on nous donne va pas durer très très longtemps sur votre tablette, pas autant qu'une bouteille que vous achetez en magasin, mais quand même, si vous en faites une fois de temps en temps, ça va être quand même beaucoup moins cher parce qu'on s'entend qu'il y a une méchante marge de profit sur de l'écran solaire. On s'entend là-dessus. Mais je sais pas, ça coûte combien une bouteille d'oxyde de zinc? On va aller voir sur Amazon en temps réel. Oui. Pourquoi pas, Amazon.com, j'y étais ce matin. Recherchiste. Recherchiste. Ben, je sais pas si la bouteille d'oxyde de zinc se conserve pas longtemps non plus. Ben c'est ça. Ça dépend ce que tu mets dedans. Ça va coûter moins cher quand même. Une livre de qualité professionnelle chez Essential Depot via Amazon.com, ça coûte même pas 20$. Une livre! Une t'en livre. As besoin de combien pour une bouteille de crème solaire? Ouais, c'est solaire? Ça. On a beaucoup de questions, Mathieu. Là. Ben, c'est, Caroline, permettez-moi d'y aller alors que vous pourriez vous aussi cliquer sur le lien. Attention, j'y vais. J'y ben vais, oui, j'y je pourrais vraiment cliquer sur le lien. T'as pas d'ordinateur? Non. T'as pas d'ordinateur pour suivre, d'habitude. C'est comme ça que ça s'appelle. Job à JP. Ça, job à JP. On dit 2 cuillerées à thé. Oh, c'est pas beaucoup. Ou à table, en tout cas, bref, d'oxyde de zinc. Ça dit de la cire d'abeille, un quart de tasse, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive et des huiles essentielles ou des extraits de vanille pour faire l'odeur ou la senteur, comme nous disait Violet plus tôt. Donc, la petite bande dessinée qui vous explique comment faire votre propre crème solaire sur assemblagerequis.com. Moi, je pense que ça pourrait valoir la peine, étant donné que c'est très, très cher. Il faut en mettre quand même beaucoup pour couvrir le corps au complet. Et surtout, si tu te baignes, il faut que tu en remettes. Donc, ça commence à être un petit peu cher. Donc, j'aime ça. Mais, ensuite, vas-y. C'est ça, tu sais, je veux dire, ça doit être quand même bon pour l'environnement aussi. Parce aussi. Que, mais même, c'est comme, tu sais, l'écran solaire en spray, là, c'est pas bon pour la couche d'ozone. Non. Mais c'est pratique. Il faudrait l'acheter en push-push, mais ben pas en canette. Ça existe en push-push. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, il faut privilégier les cannes en push-push et non les psh. Ouais. Hein, c'est-tu clair? Push-push ouais. Comme du Windex et non pas push-push comme quoi? Du spray net. Comme du spray net. OK, parfait. Puis il faut faire attention aussi avec le push-push parce qu'il faut l'étendre après. faut pas se fier que le push-push va couvrir la superficie. Ouais. Faut l'étendre. Ouais, parce que ça, je me suis rendu compte de ça après avoir pogné des coups de soleil, sauf où j'avais fait du push-push. Pourtant, on utilise le push-push. Ouais. On utilise le push-push justement pour pas avoir à étendre la crème solaire, donc ça met un petit peu défaire la. Moi, j'aime bien ça, mettre ça sur les jambes, puisque ça. Le poil. Oui. T'es un gars poilu de jambes. Moi, j'aime ça, mettre ça dans le dos parce que je me rends juste pas avec ma crème. Ah oui. Je me fais demander par ma blonde. Peux-tu me mettre dans le dos? Ensuite, prochain conseil, c'est de mettre du beurre d'arachide sur les deux tranches de pain pour empêcher d'avoir des, du pain détrempé par la confiture dans un sandwich confiture et beurre d'arachide. Ça a commencé comme ça? Ben, j'ai tout le temps fait ça. Hein? Les gens font ça pour le goût, moi, je pensais. Non, mais non, mais non, mais non, justement. Donc, c'est, on suggère de mettre sur les deux tranches. Par contre, un autre conseil qui allait avec, parce que celui-là, j'avoue, est assez évident, mais le deuxième conseil que j'ai trouvé, c'est de mettre du beurre d'arachide sur une tranche et sur l'autre, de faire une couronne de beurre d'arachide laissant un milieu de pain. Et quand tu mets ta confiture de l'autre côté et que tu refermes, ça va faire un genre de saut. Pour empêcher la confiture de tomber de ton sandwich. Ouais, hein? Mais ça goûtera pas le beurre d'arachide dans le milieu? Mais oui, parce que sur l'autre tranche, sur l'autre tranche t'en as. C'est juste que peut-être que sur ton palais, ça va goûter plus que sur le dessous, que sur ta langue, ou peut-être qu'il va falloir que tu manges ton sandwich d'un bar ou d'un autre. Je sais pas, mais ça me donne le goût. C'est comme un O-ring, un gasket, un comment gasket, on appelle ça en français? Un joint d'étanchéité de beurre d'arachide. D'arachide, c'est malade. C'est un très bon truc. C'est un O-ring allergène. J'adore. C'est gagnant de tous les côtés. Moi, j'aime ça. Ensuite, un autre conseil, toujours dans la chronique, les instructions d'assemblage. On y va avec un petit truc pour les claviers d'ordinateur. Vous savez, il y a des pattes en dessous du clavier et la plupart des gens vont penser qu'il faut lever les pattes du clavier pour avoir un clavier plus ergonomique. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas là pour ça, en fait. C'est pas du tout pour l'ergonomie. C'est pour que ce soit plus facile de voir les touches. C'est pour distinguer, tu sais, les gens qui sont qui tapent à l'aveugle, qui tapent sans regarder leur clavier, et ceux qui regardent le clavier, les pattes sont faites pour que les lettres soient plus visibles pour les gens qui tapent en regardant leur clavier. Donc l'ergonomie serait pas rapport. D'enlever les pattes, les rentrer à l'intérieur et de mettre le clavier même en le mettant pas droit, on peut même le monter, de lui monter le devant pour qu'il soit un petit peu incliné dans le mauvais sens, si on veut, à l'envers, pour que ce soit plus économique, ergonomique. Mais j'avoue que si tu lèves le derrière du clavier, t'as comme les poignets cassés. C'est pas bon, ça. Donc, c'est pas... Faut les bras aux 90 degrés, les genoux aux 90 degrés. L'écran à 30 cm. Et l'écran, surélever votre écran avec des livres ou un dictionnaire, quelque chose comme ça. Levez l'écran pour que... et là, celui-là n'est pas dans mes liens, donc je sais pas si je dis un petit peu n'importe quoi. Je crois qu'il faut que le centre de l'écran soit à la hauteur de tes yeux. Si je me rappelle bien du conseil. Ah, mais quand tu louches, tu fais quoi? Ben, t'achètes deux écrans. T'achètes pas d'ordi. Non. Tu prends une tablette. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça pour le clavier. Ensuite de ça, comment sauvegarder des fichiers instantanément sans avoir à les télécharger sur votre ordinateur et les mettre sur un serveur? Par exemple, vous voulez, mettons, les... OK, on recommence. Vous voulez sauvegarder un fichier d'Internet sur un service comme Dropbox, Google Drive. La technique, normalement, serait de télécharger le fichier, le mettre sur votre ordinateur, l'envoyer ensuite sur Dropbox. Il y a un service qui s'appelle Save Web Files, qui est au ctrlq.org, donc contrôleq.org/save. Et ça vous permet, quand vous inscrivez l'adresse du fichier, vous copiez-collez son adresse et vous l'envoyez directement vers Dropbox, donc ça ne passera pas par votre ordinateur, c'est instantanément du web au web, sans entremetteur. C'est donc le site Save Web Files. Quand on va à un concert, disons, au Festivois, mettons, et on veut parler à quelqu'un, mais le son est tellement fort qu'on se met à crier et on n'entend pas l'autre personne, on nous suggère ici de se boucher les oreilles et parler d'un ton normal. Donc, c'est le site Wonder How To qui nous suggère de mettre nos doigts doucement dans les oreilles pour aider à filtrer la musique qui est à l'arrière-plan. Et ça va être plus facile pour vous de focusser sur ce que votre ami vous dit près de vous. On suggère aussi d'avoir les conversations dans un ton de voix normal, donc sans crier. Parce que quand tu cries, ta fréquence vocale va être plus proche de la musique. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va comme se mélanger ensemble. Alors que parler normalement va aider ta voix à se démarquer du son d'arrière-plan. Donc, peut-être que vous n'allez pas pouvoir avoir une grosse conversation, mais au moins pouvoir vous faire comprendre. Ah, c'est il faut aviser la personne qu'on met ses doigts dans les oreilles pour une raison et pas qu'on veut pas les entendre. La, la, la, la, la, la. J'avoue que les deux personnes doivent être au courant. Là, hein? C'est ça, comme vous venez souvent ici? Oui? Je te jure que je t'écoutais. Chérie. Prochain truc, c'est les couvertures sur le lit. Souvent, la couverture, quand on fait ma grandeur, ou même si on fait pas ma grandeur, mais qu'on fait juste bouger beaucoup dans le lit, les couvertures vont tout le temps se défaire du bas du lit, c'est à tes pieds. Ah, oh, ça, c'est frustrant. Je le sais. Ah, oh, ça, je fais tout le temps ça. Est-ce que tu veux un truc? Oui. C'est de faire des nœuds au bout du drap. Donc, tu vas le faire sur ton drap. Tu vas faire un nœud au bout. Et puis, il ne va pas se défaire pendant la nuit. On parle du drap contour? On parle du drap contour, exactement. Mais je comprends pas. Tu vas faire un petit nœud comme ça au bout et tu vas l'imbriquer. Man, t'as un aide visuel. Force-toi un petit peu. En dessous de ton matelas. Est-ce que tu vois? Est-ce que c'est clair d'ici? Un nœud. C'est un chat? C'est oui. un chat. OK, c'est un chat qui tient le nœud. Dans le fond, il a engagé un chat. Oui, c'est ça. Faut que tu tiens un chat entre le nœud et le matelas. T'as un chat avec la aux quatre coins. Donc, c'est ça. Non, je pense qu'en fait, ce qu'on suggère, c'est de faire un nœud à ton drap et de le rentrer dans ton... en chat. En dessous dans ton drap contour. Je pense que le nœud, c'est sur ton drap normal. Et puis, entre ça, moi, j'aime pas ça avoir les draps de pieds. Non, moi non plus. Ah non, moi non plus, mais je l'ai tout le temps dit, je suis claustrophobe des pieds. Moi, ça me prend de l'espace. De l'air. Ah, pas moi. J'aime me faire aérer les pieds. Prochain truc et astuce, c'est si vous voulez que votre fromage goûte plus salé, apparemment qu'il faut le manger avec un couteau. C'est une étude, oui, une étude qui a l'air bizarre. Assez bizarre, mais c'est quand même une étude qui a été faite qui prouve qu'on mange surtout avec notre cerveau et non pas avec notre bouche. Donc, les nourritures goûtent différentes. On a parlé déjà dans une chronique, c'est un fait, c'est l'émission de la semaine passée. Donc, par exemple, le fromage goûtait plus salé pour ceux qui avaient mangé avec un couteau au lieu d'une cuillère, d'une fourchette ou d'un cure-dent. Et puis, c'est pas juste le type d'ustensile. Sur sa grandeur, son poids, sa couleur, ça a tout son effet sur la saveur, selon l'étude de l'Université d'Oxford. Lorsque les participants goûtaient de la nourriture avec des petites cuillères typiquement associées au dessert, tout goûtait plus sucré. Quand le poids de l'ustensile était selon les attentes, donc petite cuillère égale dessert égale cuillère à dessert égale sucré, donc ça avait un impact sur comment la nourriture goûtait à chaque fois. Le contraste des couleurs était aussi pris en compte. Le yogourt blanc mangé avec une cuillère blanche goûtait plus sucré que le yogourt blanc goûté avec une cuillère noire. Donc même avant de mettre la nourriture dans nos bouches, notre cerveau nous juge dans le fond de la nourriture. Oh. Étrange, hein? Ben oui, c'est bizarre, mais t'avais aussi dit dans une chronique, c'est un fait, que manger un yogourt avec une cuillère en plastique, ça donnait un goût plus luxueux qu'une cuillère en métal. Ah, bizarre, hein? Ouais. C'est psychologique tout ça. Je trouve ça fascinant. Tiens, si votre nourriture pour animal, les bols de nourriture pour vos animaux attirent les fourmis, ça arrive beaucoup, hein? Ben moi aussi. Parfois, on se percerait aussi ici et là. Ah, yak! Donc, pour éviter aux nourritures pour animaux d'attirer les fourmis, il faut mettre un gros... Du poison dans la nourriture! Non! Il faut mettre de l'eau dans un grand contenant, donc un contenant de plastique ou de vitre, quelque chose de très, très gros. Alentour! Alentour, donc ça fait comme un genre de... Comme pour les crocodiles dans un château. Là. Oh! Comment t'appelles ça? Une motte, voilà. Une motte. Donc, c'est ça, c'est de mettre de l'eau autour parce que les fourmis ne sont pas de très bonnes nageuses. Donc, s'il y a juste un petit peu d'eau, même vraiment pas beaucoup, ça va les empêcher de passer par là. Et puis, si tu nourris tes animaux à l'extérieur, c'est encore plus important pour empêcher les animaux de se faire mordre. Donc, mettez leur bol dans de l'eau, dans un grand bol d'eau. Vous pouvez même mettre une serviette en dessous pour empêcher l'eau. Si jamais l'eau coule sur les côtés, ça ne dérangera pas s'il y a une serviette autour. Peut-être pas à l'extérieur, peut-être plus à l'intérieur pour celui-là. Et en même temps, c'est que le grand bol d'eau va servir aussi de bol d'eau pour ton animal. Ah oui, je trouve ça tellement cool comme concept. Là. Tout le monde gagne. Je suis beaucoup trop émerveillable. Moi, je sais que mon chat foutrait l'eau partout. Là. C'est clair. Elle est tellement nouille, elle a tout le temps les pattes dans l'eau, puis flouche. Si Jean-Philippe, tu veux partir la vidéo du prochain article, parce que ça va vraiment être intéressant pour tout le monde, c'est comment changer de la liqueur en magnifique slush. C'est vraiment fantastique. Vous avez peut-être vu le Magic Slushy, Slushy Magic, qui vend en magasin. Ça fonctionne en passant, je l'ai acheté. C'est que tu mets du liquide, n'importe quel jus ou liqueur, et tu brasses pendant genre 15 minutes, puis ça va faire de la slush instantanément. C'est très, très cool. Pendant 15 minutes, instantanément. Non, mais c'est vraiment très long. Mais t'as brûlé tes calories. C'est ça. Mais non, mais c'est parce que tu mérites instantanément. Après. Ça prend 15 minutes, j'appelle pas ça instantanément. Mais si tu mérites, faut bien que tu mérites ta slush. C'est le café instantané, il faut que l'eau boue. Tu sais, fait que moment relativise. Mais non, le Magic Slushy Magic, c'est que tu mets des petits cubes de fausse glace dedans. Ici, c'est une méthode complètement naturelle et pas besoin d'aucun accessoire. OK, donc la vidéo l'explique. Je vais essayer C'est malade. Je vais faire mon possible, OK? C'est que tu brasses une bouteille de liqueur qui est à température pièce, OK? Tu prends une température pièce, tu brasses pendant quelques secondes, tu le mets au congélateur pendant plusieurs heures, on dit 3h15 dans la vidéo. Une fois qu'elles sont assez froides, presque glacées, tu vas briser le seau de la bouteille parce que la bouteille n'a pas été ouverte à l'avance. Donc, tu vas juste briser le seau et refermer. Et je crois qu'il faut que tu rebrasses encore. Est-ce que la vidéo dit de rebrasser? Je suis pas certain. Vérifiez pour être sûr, là, pour pas que ça vous explose dans la face. Là. Mais ça va relâcher la pression dans la bouteille, ce qui va faire geler la liqueur en slush. Elle va passer de liquide à slush instantanément. Vous allez pouvoir la verser dans un verre et la vidéo le prouve, c'est tout à fait vrai. On vous dit de se rappeler de mettre une alarme pour s'assurer, pour pas laisser la liqueur trop longtemps dans le congélateur. Là. Ça pourrait causer une explosion. Mais pour vrai, je l'ai fait. L'explosion, je veux dire. L'explosion. Moi aussi. Mais c'est cool. Instantanément, 3h15, Mathieu. Ouais, mais là, là, ça fait des slush maison. Oui, c'est cool. Mais sinon, tu veux impressionner tes amis au dessert? Ben, c'est que ça a l'air magique parce que c'est vraiment liquide dans la bouteille. Et quand tu verses, c'est de la slush. Mais pour vrai, pour ceux qui ont pas essayé... Tu peux faire aussi du Sprite, j'imagine. Oui, toutes les sortes de liqueurs. Mais le slushy magique, je le conseille. Pour vrai, ça coûte 15$. Et c'est vraiment, tu mets des faux, des petits cubes qui vont au congélateur. Tu les mets pendant 3 heures. Tu mets dans ton verre qui vient avec. Et n'importe quel jus, tu brasses pendant genre 10 minutes. Puis t'as une slush. Ça marche. Faut pas tes avales, là, les petits. Non, mais c'est en genre de plastique, là. C'est gros? Ouais, c'est quand même gros. Ça passe pas dans une paille. Non, c'est quand même assez massif. Il y a pas de risque d'étouffer. Non, du tout. Mais tu peux le faire ça avec du orange crush ou. Et puis là, ça te fait une slush à l'orange. Ça doit être bon, ça. Ah, génial. Mm-hmm. C'est à essayer pendant la fête de semaine. Et pour terminer notre chronique de trucs et astuces, les instructions d'assemblage, c'est comment soulager une piqûre de bestiole, de petits moustiques. Façon assez simple, c'est de faire chauffer une cuillère de métal sous l'eau chaude pendant environ une minute et puis l'appuyer directement contre la morsure. Oh. Et si vous le tenez contre votre peau, quand vous allez l'enlever, ça va arrêter de piquer. Quand les moustiques vous mordent, ils injectent des protéines sur votre peau qui vont empêcher votre sang de faire des caillots. Et cette protéine-là qui va faire que ça vous pique, mais donc ça ne peut pas survivre à de hautes températures. Et puis, ça dit que la bosse va rester là pendant plusieurs jours, mais que la sensation de picotement va arrêter. Voilà. Ça, c'est intéressant, surtout avant l'été, là, les feux, le camping et tout. Oui. Ça, je vais l'essayer. Tout le monde une cuillère, fous ça dans le feu. Tout le monde a un tatou de cuillère. Ça désinfecte. C'est comme Brandon Vache, mais... Oh. J'aimerais ça. Je sais pas pourquoi. Brandon Vache. Donc voilà pour instruction d'assemblage. Est-ce que c'est une chronique qui a du sens? Oh, oui. Oui. J'adore ça. Good. Si, mettons, tu venais de faire un plongeon, là, je t'aurais mis un 10. Ah, ben, Colin. Ouais, non. Laisse-y une place à l'amélioration. C'est vrai, c'est quand même ma première. Là. Oui, mais là, on est plusieurs. On peut dire 7. C'est une moyenne à la fin. Oui. 3. Et Colin! Place à l'amélioration. Non, mais je te donne du jus, du lousse. Du jus, juste du slush. Non, du lousse. Donc voilà, on fera ça une autre fois. Les instructions d'assemblage, c'est le fun. On continue avec un petit peu de palmarès avant que l'émission se termine dans une demi-heure environ. Donc allons-y avec la position numéro 5, lancé numéro 1. Hey, c'est Boy avec Oh Boy. Oh, je les aime, Boy. Yeah. Oh, Boy. J'aime ça, Boy. Ils sont cute. Ça va-tu fitter, ça va-tu fitter avec le petit piano? Oh oui, ça va fitter. Check. Check. She's so easy to fall for, but boy, she's so hard to hold. She looks at you like a warning. You know you're gonna be hungry when you get home. Her lips make the cherries and the berries and the apples look pale. She could ask anything, you would do anything, no matter what, you would obey. And she turns every room into a dance floor. But she turns and she sways and she spins. And you're standing still like a statue. And you can't take your eyes off her skin. Slow it down. You're running on solid ground. Children Oh boy. Oh boy! De la formation Boy. Duo féminin? Que je les aime. Que tu nous as... soupçonné être lesbienne. Exactement, c'est ce que tu nous as soupçonné. C'est des soupçons. C'est sont un soupçon, Gwyn. Wow! C'est ça. C'était l'ancien numéro 1, c'est maintenant la cinquième position anglophone. Plus tard, on écoutera The Clicks avec Savannah. Mais avant ça, on continue avec un bloc que je vous avais promis la semaine passée. On l'a sauté comme Un bloc québécois? Non, jamais. Qu'on a sauté comme des sauvages la semaine passée. Et les amis, je vais vous gâter un peu. En tout cas, moi, je vais me gâter. Vous, je pense pas, parce que apparemment que personne ne se rappelle de cette chronique-là. Voici les paroles des autres. Cette semaine, c'est l'intro de la chronique Cynix. C'était la chanson thème de la chronique CNX et de l'émission CNX aussi, avant quand même, faut le dire. Non, c'est la chanson Slash Dot Dash sur l'album Pelucaville, le quatrième album de Fatboy Slim. Jean-Philippe l'a reconnu, Fatboy Slim, bravo. Oui, merci. Ouais. Stéphanie a reconnu le fait qu'elle aimait la pièce. Oh, ouais. Ouais. Justine a reconnu le fait qu'elle voulait la faire jouer devant ses voisins pour les faire les déranger un peu. Oui, j'ai aussi vu le vidéoclip et c'est complètement fou. Deux personnes avec des Sharpies qui s'écrivent tout partout, ses murs sur eux autres. C'est comme ils marchent ses murs, ils marchent ses plafonds. C'est super bien c'est fait. Vraiment bien fait. Ça a comme ça. Rien à voir avec le principe de la toune. Il n'y a même pas dedans. Des slash ni des dash. Non, c'est ça qui est bizarre. Mais ce qui est le fun, c'est qu'évidemment, l'émission CNX c'est ensuite qui est devenue une chronique. Là. L'émission a commencé genre en 2004. Là. On ne reviendra pas dans le passé pour une leçon d'histoire inutile, là, mais quand même. C'est devenu une chronique que je fais de moins en moins, mais qui va revenir, soyez assurés, sur une base hebdomadaire bientôt. Sur les ondes de C'est fou. Oh, oh, je l'ai dit à ce passé, je l'ai dit encore cette semaine, on laisse tomber les bribes. Ça va commencer bientôt. Bref. Voilà pour la chronique Les paroles des autres, où on écoute l'intro ou une chanson dans l'univers radiophonique de moi-même, Mathieu Plante, que ce soit la chronique de quelqu'un d'autre ou de moi-même, de semaine en semaine. Et là, on va falloir nominer quelqu'un pour la prochaine chronique, si vous avez des suggestions. Des nominations. Nominations d'une chanson thème. Évidemment, tout le monde veut suggérer sa propre chronique. On va dormir là-dessus, mais on va revenir. Pensez-y. Pour l'instant, on prend une pause et on revient avec SX, ça devrait répondre là. Je te prête. Yay! Dernière demi-heure. Yay! C'est ma chronique, ça! Avant tout le monde. 89.1. Hey, on fait ça un retour de pause, là, custom avec nos propres instruments. Là. Attention. Non, finalement. J'avais du fun, moi. J'aurais continué comme ça 20 minutes. Ah, j'allais dire des heures et des heures. Vous êtes toujours Assemblage Requis à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Justine Renaud toujours avec nous aussi. Il y a de la misère avec sa lampe. Je me bats avec la lampe de Pixar. Pourquoi tu te bats avec la lampe, là? C'est quoi le problème? Mais je sais pas, elle a commencé. C'est jamais la faute de la personne. Ben non, mais tu la vois bien avec son air chippé, la lampe. Des problèmes d'articulation. dans quelques minutes, dans quelques secondes, en fait, ça va être 5 semaines, ça devrait répondre là. On a le temps pour une dernière pièce avant. Par contre, on est rendu en 4e position anglophone, ça monte de 3 places. Et c'est Savannah de Clix. Vas-y, c'est toi qui fais le pomme. Oui, qui d'autre? Stone cold, don't you know you are my heartache? And I'll go fooling around and chasing old mistakes. You'll be screaming out for more when I'm happy. Someday, give me 10 to count for, 'cause I know you wanna hear me say, and I go. What you're missing? Just take off your clothes and touch the lips that you'll be kissing. 'Cause I'm halfway out the door and you're screaming out for more, baby. Give your tears to count for, 'cause I know I'm gonna hear you say. Fiddler. Et la pièce Wait for the Man. Ça monte de 3 places en 3e anglophone. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, on est presque rendu au numéro 1 du palmarès, mais avant ça, je pense que ce serait le moment, parce qu'il nous reste pas grand temps. Il nous reste pas grand temps. Est-ce que ça, je pensais que c'était juste la fenêtre de Chrome qui avait planté, mais finalement, c'est l'ordre complet. Pas d'intro? Ça va être plate en maudit comme chronique, ça? Je peux... attends, je peux la faire. On peut la tapocher. Oui, attends. OK. Ah non, pas encore. Ah, OK. Toum, tou, dou, dou. Ready? Personne ne parle, hein? Ben, c'est moi. Donc, c'est l'expression de deux réponses, là. Je pense qu'on l'a, l'intro, là. Sans blague, là. Si tout va bien, on devrait pouvoir l'avoir, là. 5, 6, 7 et 8. Encore pour 4. Et Colin. Oh, Colin. Oh, mon Dieu. Pas facile. Ah, il a fallu rembobiner la cassette. Mais ça ne devrait pas la chronique des choses. On l'avait pas pire, pareil. C'était proche, hein, mon Dieu. Mettons, il en manquait pas beaucoup pour que ça soit identique. Donc, on veut s'acheter des choses avec le peu d'argent qu'on a l'été, c'est comme ça. Et commençons avec un premier gadget. Ben oui, on peut commencer avec ça. Est-ce que t'aimerais ça, toi, Mathieu, avoir un manteau fait de cheveux? Aïe, aïe, c'est mon rêve depuis toujours. Oui, mais écoute, tu pourrais en avoir un. Ça s'appelle... check... Le feu! Coat made from Minchess hair. Hein, pas des dégueulasse. Une poitrine d'homme. Ah non, OK, c'est pas en cheveux, c'est en poil de chest. C'est en poil de chest. Mais écoutez, la demoiselle qui le porte est ravissante et elle est nue en dessous. Ben, pas nue, mais en tout cas, elle a pas grand-chose. Sinon, tu peux avoir l'homme que lui n'a pas de poil. Donc, c'est vraiment une question de manque de confiance en lui. Ouais. Est-ce que tu peux avoir l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours? Oui, tu peux. Oh, je les aime, eux autres. Tu peux, pardon? c'est ça, c'est pour le premier. Attends, après ça... Ça s'en vient, c'est presque chargé, mon affaire, là. Ça s'en vient. Je peux te faire le deuxième. Vas-y, pour le deuxième. Donc, est-ce que t'aimerais, Mathieu, avoir des pantoufles faites avec, tu sais, les cailles de café? Ah, mais pourquoi est-ce que je voudrais ça? Mais parce que je pense que c'est antidérapant, de ce que je comprends rapidement. Non, en fait, c'est que ça enlève les odeurs. Ça empêche tes pieds de sentir. C'est vraiment bas, ton anglais. Mais ça va sentir le café? C'est les bas. Non, mais justement, c'est fait pour ça. Ça utilise du café carbonisé qui est récolté à partir de gens qui fabriquent, pas qui fabriquent, mais qui récoltent le café. Durant la torréfaction, j'imagine. Ça passe par un processus pharmaceutique, on nous dit, pour enlever les huiles du café. Et puis ensuite, ça va être infusé tout ça dans de la laine de polyester recyclé. C'est 3 fois plus efficace pour absorber les molécules de l'odeur que le coton régulier. C'est 28$ pour 2 paires. Donc, c'est fait à base de café, mais ça ne sent pas le café. Malheureusement, je pense que ça aurait été un bon point de plus à avoir pour eux autres, en fait. Mais dans le fond, quand tu dis que le café, ça enlève les odeurs, je pense que j'ai une anecdote dans la vie de tous les jours. Okay. Admettons que tu fais un party de chandelles. Là, il faut que tu sentes les différentes odeurs de chandelles. Oui. Ils te font sentir du café entre chaque chandelle parce que c'est comme si ça vient neutraliser les odeurs. Ça annule tout. C'est merveilleux, non? Ben, c'est comme quand t'as une mauvaise humeur, un café, ça annule ta mauvaise humeur. Ça annule tout du café. Ben, tu peux faire ça aussi avec le parfum, non? Ben oui. Ben, comme du parfum de chandelle ou du parfum de bouteille. Parce que des fois, quand tu vas dans les boutiques là, de parfum. Non, j'ai essayé tous ces boutiques-là, genre les anciennes. Là, tu peux te lâcher, comment ça s'appelait? Lâche. Tu peux te sniffer une bonne graine, puis ça t'enlève l'odeur. C'est toujours la solution à tout pour toi, ça. Oui. Ensuite, si tu vas à la plage, comme nous ici à la plage, le célèbre resort de C'est Fou, vous voulez amener votre iPad? Mais l'iPad, c'est fragile. Faudrait pas le casser. Faudrait pas le mettre de l'eau non plus dessus. Donc ou du sable. Ou du sable. C'est le dry case. C'est avec un genre de système d'aspiration pour vraiment enlever l'air. Ça fonctionne avec les tablettes. Il y a une version pour les iPhones ou autres téléphones cellulaires aussi. Kindle, n'importe quoi. Donc le dry case qui va empêcher l'eau d'entrer. Et il y a une prise écouteur stéréo à l'épreuve de l'eau aussi. Même chose pour la prise microphone. C'est disponible donc maintenant. Allez chercher le lien sur Amazon.com. Le lien est sur assemblagerequis.com, évidemment. Ensuite, c'est un vêtement qui vous permet de rester, incognito, bien dans ma peau, comme dirait l'autre. C-Line Dion. Donc, c'est Adam Harvey de l'École pour les arts visuels qui a démarré ce projet de design pour vous rendre invisible grâce à la technologie. Il a créé avec la designer Joanna Bloomfield une collection de vêtements, dont un T-shirt pour protéger des rayons X, des vêtements qui bloquent les imageries thermiques, par exemple dans les aéroports. Et puis, ils ont aussi créé des poches qui empêchent le signal du téléphone cellulaire de sortir. Donc, ils ont passé beaucoup... il dit, j'ai passé beaucoup de temps à photographier les gens qui voulaient pas toujours être photographiés. Donc, ce que ça fait, c'est que si on regarde la vidéo un peu, là, dans le fond, ça, tu portes ça sur ta tête et sur ton corps et ça va empêcher les ondes. Tu seras pas vu. Ça va comme faire un genre de rayon de lumière, quelque chose comme ça, pour t'empêcher d'être vu par des paparazzis, mettons. Donc, on pourrait voir bientôt des vedettes se promener avec ça. C'est pas encore disponible commercialement, malheureusement. Quand vous prenez l'avion, vous voulez dormir, mais vous voulez avoir l'air d'un thug, d'un gros criminel, tu sais, endurci. Vous voulez avoir l'air viril. Ouais, ça aide pour passer les douanes, ça. Exactement. Et un hoodie, on sait depuis l'affaire Trayvon Martin aux États-Unis, quand t'as un hoodie, t'es considéré comme un genre de méchant garnement, un criminel. T'sais. Un hoodie, ça veut dire que t'es méchant. Donc ici, c'est un oreiller de voyage en forme de hoodie. Donc c'est t'as le capuchon d'un kangourou, pareil comme un kangourou. Et t'as autour de ton cou un petit truc, une banane pour dormir. Un bang. Sauf qu'il faut que tu gonfles ton bang à chaque fois que tu t'en sers. Donc, c'est soit avoir l'air un petit peu moins criminel en soufflant dans l'autobus ou dans l'avion, ou le porter gonflé toujours autour de son... Mis à part le côté criminel, je trouve ça vraiment cool. Parce que, oui, tu t'aimes ça comme avoir une petite... comme une douillette, là, tu sais. Ben oui, j'aime pas ça. Ouais. C'est la hoodie pillow. Je le prendrai en noir, par contre. Ah, mais il y a plusieurs couleurs. Hein. Je le vois en rouge, entre autres, en gris comme... mode coton dans le temps. Ça coûte seulement 20$ et je suis certain que si tu le commandes, t'en as un deuxième. Une petite poêle en dedans? Non! Oh. Aussi, opportunité ratée. J'aurais aimé ça avoir des cheveux de chest d'homme. Si vous êtes au bureau et que vous voulez manger, c'est toujours... moi, c'est mon problème. J'ai tout le temps de la difficulté à trouver une fourchette. Faut que j'ai la cafétéria. Donc, c'est des embouts, des bouchons, en fait, de stylo, comme bic, mais qui est fait en forme de cuillère, couteau ou fourchette. Magnifique, n'est-ce pas? C'est le Dine Inc. Novelty Pen Cap. C'est pas la chose la plus inutile qu'on peut acheter sur Amazon et c'est parfait pour manger au bureau et en même temps prendre des notes, peut-être. Ben, je sais pas, mais mes crayons traînent tout le temps un peu partout sur le bureau. On dirait que ça m'écœure de manger avec ça. J'avoue, faut que tu laves tout le temps tes maudits ustensiles. C'est donc plate. Ou ton bureau. Nouveau style de parapluie maintenant. Pour ceux qui trouvent que c'est tellement difficile d'avoir un parapluie qu'il faut tenir avec sa main. T'sais? Donc, c'est un parapluie sans les mains. Le Newbrella, qui est le premier donc parapluie ou parasol sans les mains. C'est porté comme un sac à dos. Ça fonctionne comme un genre de... peut-être presque comme un kangourou. Donc, vous pourriez avoir le criminel encore une fois. Donc, c'était mis en vedette à l'émission. La gueule du loup, du lion, du Kevin-Homme, Kevin-Ours. Hein, L'œil du dragon. Aux États-Unis, c'est le tank du requin. Puis au Canada anglais, c'est la gueule du lion. C'est ça? Dragon's Den. Oui, Den? Non, c'est pas la gueule, c'est comment on appelle ça, Den? Den, c'est comme une cave, là. Une cave de l'ours, bear. Le boudoir. Le den, man. Caverne? Oui, la caverne. La caverne des dragons, puisque tout le monde sait qu'il y a des dragons dans les cavernes. Et voilà. Faites attention, les enfants. Donc, c'est pas fait pour remplacer votre parapluie traditionnel, mais plutôt être une nouvelle arme dans votre arsenal d'armes envers la pluie. Donc, le fondateur de Newbrella s'appelle Alan Kaufman et puis il va mettre ça sur le marché un jour. Ça vient dans différents styles, différents modèles disponibles pour différentes applications dans la vie de tous les jours. Ensuite, tiens, vous voulez jouer au saut à la corde. C'est comme ça qu'on dit ça, saut à la corde? Ouais. Oui. Ouais, mais prendre une corde et faire un nœud dans le milieu, c'est long. Hein? Donc, il faut acheter une corde avec un nœud préfait dans le milieu. Hein? Donc, pour 60$, 30 pieds de corde qui s'appelle Abaca. 60$ avec un nœud dans le milieu. Et c'est chez Pottery Barn, le Tug of War Rope. Et puis, vous pourriez probablement acheter 100 pieds de corde sur Amazon pour le même prix, sans le nœud dans le milieu. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui fait des nœuds dans des cordes, c'est ça, déjà. Exactement au milieu de la corde, puis qui est vend. C'est bien payé, je suis sûr. Maintenant, on aime tous Mario, Super Mario. On voudrait jouer aux cartes avec Mario. Donc, c'est des cartes 8 bits avec Mario, Koopa Troopa et leurs amis, le dragon Bowser, le dinosaure Bowser. Tellement. Combien? Commande ça maintenant. Sur Amazon, 21$. OK. Pas tant que ça. Vendu. Ensuite, tiens, on y va très rapidement. Si vous perdez vos clés, il y a une nouvelle façon de récupérer votre clé. En fait, c'est de dupliquer, de garder votre copie de votre clé dans le nuage. Tu sais, le nuage, c'est bien à la mode pour mettre ses fichiers et ses courriels, ses affaires. Sur Internet, c'est ce que ça veut dire. Donc, il va y avoir des kiosques Kimi. Okay? Tu vas te créer un compte, tu vas scanner ta clé dans le kiosque. L'image de la clé va être dans le nuage sur Internet en attendant d'être accédée si jamais vous perdez votre clé. Donc, vous avez différents choix de types de clés. Par exemple, une clé qui va ouvrir une bouteille quand vous faites votre copie. Là, tu sais, une clé avec une petite enclave encore. Donc, clés décoratives, différentes affaires, sauf les clés de voiture, parce que c'est trop compliqué de rénover avec la technologie qu'il y a dedans. Donc, évidemment, il n'y a aucune information qui est gardée dans le nuage, à part votre il faut avoir votre empreinte digitale. Il y a des mesures sécuritaires, si on veut, avec ces kiosques-là, Kimi. Et puis, ça va être gratuit de mettre votre clé dans le nuage, mais ça va vous coûter 20$ pour extraire la clé du nuage une fois que vous allez vouloir. C'est cool quand même. J'aime ça. Bonne idée. À c'est place où? De... où est-ce qu'il va avoir ça? Ça va être aux États-Unis, évidemment. Je pense que ça commence par New York. Si je fais ma clé ici, il faut que je fasse Le détail à New York. C'est un bon prétexte. 5 heures d'auto. Okay. C'est ça. Ça va être dans les dépanneurs, les 7-Eleven à New York City. Wow. Voilà. On va sauter par-dessus le prochain pour aller directement à celui-là. Tiens, ça va bien finir. Pour ceux qui veulent traîner leur alcool au travail, mais qui sont trop gênés de traîner de l'alcool, mais que ça leur dérange pas de traîner leurs tampons et les montrer devant tout le monde. C'est des petites flasques à alcool, mais en forme de tampons. Smuggle Your Booze, qui vend c'est la compagnie, qui vend des petits tubes qui ressemblent à des tampons. C'est comme des shooters d'alcool que tu vas garder dans ta sacoche. C'est cool. Fait que Mathieu, tu vas pouvoir traîner tes tampons dans ta sacoche. Exactement. Puis il n'y a personne qui va se poser de questions. Personne ne va rien dire. C'est pour femme alcoolique, dans le fond. À peu près. C'est pour moi. C'est juste pour Steph. Avoue que tu as pensé à moi quand tu as vu ça. Ben, je l'ai mis en juste là, juste pour toi, en fait. Et voilà. Commande-moi ça. Personne d'autre. Donc voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est la fin de cette chronique et ça va bientôt être la fin de notre merveilleuse émission de cette semaine du 1er juillet. Est-ce qu'on a eu du plaisir? Ben oui. On a eu du fun. Alors, on va pouvoir choisir notre titre. On a le choix entre Fausté, Faustitz, Zéboulon, ex... c'était quoi ça? Je me rappelle plus. Collé que j'écris mal. Secte symbole, copieur collé, fan de ménage et trempé. C'était quoi ça? Moi, je vote pour secte symbole. Secte symbole. Secte symbole. Alors, c'était saumon Fitzbé. Ah! Non, mais tout le monde le sait, là, que saumon Fitzbé, c'est un secte symbole. Voilà. Donc, saumon Fitzbé, le secte symbole. Ah, c'est parfait. Voilà. Retrouvez-nous jeudi prochain entre 14h et 18h pour notre édition d'Assemblage Requis à la plage. On passe les samedis entre midi et 16h. En passant, ceux qui nous écoutent le jeudi, restez là pour Rock Révélé. Ça s'en vient avec Serge Nadeau. Samedi entre midi et 16h. Après nous, c'est le Voyage Insolite. Et puis finalement, dimanche entre 10h et 14h. Après nous, c'est Simon Fitzbé. Simon. Qu'on appelle avec un genre de bleu. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci Jean-Philippe. Merci Steph. Fanny Paradis. Merci Mathieu. Merci à Justine Renaud, à David Ferron. À Véronique Mire, Simon Fitzbé. Pourquoi David Ferron, est-tu venu? Il est venu dire bonjour en début d'émission. Ah, je l'ai manqué. Il n'est pas resté longtemps. Une minute. Il a dit bonjour. Bonjour, ici Gustave. On se quitte avec le numéro 1 de la semaine pour le côté anglophone, bien sûr. People of the Sticks de Besnard Lakes. Bonne semaine. Bye bye. Bye. Salut. Oh, salut. C'est pas la chanson, on chante pas cette chanson-là. Numa Numa Hey. Dragon Stadin Steel. Oui, c'est ça. Comment on va ça?